barre des sciences, chacun nourrit sa pensée, et chacun nourrit sa pensée. Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir tout le monde, et bienvenue pour cette nouvelle soirée, ce nouveau mardi de l'espace. Alors, après avoir voyagé dans des cieux lointains, vers Mars, vers les confins du système solaire, et ben ce soir, on va continuer à prendre de l'altitude, mais un peu moins que d'habitude. On va vous inviter à un petit voyage à une centaine de kilomètres, vous nous direz ça exactement, vers la Station Spatiale Internationale. Et pour parler de cette Station Spatiale Internationale, nous avons le plaisir d'accueillir avec nous François Spiro et Léopold Eyartz. On peut les applaudir. Alors François, vous êtes ingénieur de formation, vous travaillez dans le domaine spatial depuis un petit moment, depuis une vingtaine d'années, et vous êtes aujourd'hui responsable chef, on dit pas chef, on dit responsable, hein, des vols habités au CNES. Et vous faites également partie de l'équipe française, hein, qui apporte sa contribution à l'Agence spatiale européenne, l'ESA. Alors c'est quoi être responsable des vols habités au CNES ? Bonsoir tout le monde d'abord. Et bonsoir en particulier au nom du CNES qui est au bout de cette rue, vous connaissez peut-être. Alors, pour répondre à la question, responsable des vols habités au CNES, les vols habités, c'est par définition, je suis désolé du truisme que je vais faire, c'est des vols qui sont habités, c'est-à-dire c'est les astronautes comme notre ami Léopold à côté de moi, les astronautes qui vont voler dans l'espace. Vous nous vendez la mèche. Alors, qu'est-ce que la France, via le CNES, fait dans les vols habités ? Eh bien, on participe à la Station Spatiale Internationale, c'est le sujet de ce soir. On prépare le futur lointain, peut-être qu'on en parlera plus tard, mais on fait également des activités de préparation à la Station Spatiale, comme des vols paraboliques, on prépare des expériences scientifiques à bord de la station, etc. Donc, l'ensemble de ces activités, c'est une petite équipe au CNES. Vous êtes combien ? On n'est pas très nombreux, on est répartis entre Paris et Toulouse, on doit être une petite trentaine, on va dire. Ce qu'il faut savoir, c'est que le gros des activités en Europe est fait par l'Agence spatiale européenne, et que la France a des activités propres, mais l'essentiel de l'argent français qui est investi dans les vols habités se fait au travers de la part française dans l'Agence spatiale européenne. Et donc c'est à ce titre-là que votre deuxième partie de ma présentation joue, puisque voilà, on anime les activités françaises, mais on coordonne, on anime aussi la part française dans les activités de l'Agence spatiale européenne. Mais concrètement, au jour le jour, au quotidien, en quoi ça consiste votre travail ? C'est-à-dire, vous préparez donc les conditions dans lesquelles les hommes vont partir à bord de vaisseaux dans l'espace, à bord de la station internationale, essayer de régler justement les conditions dans lesquelles ils partent, c'est un peu tout ça ? Alors, le travail est assez varié. Il y a un travail qui consiste, alors qui n'est pas quotidien, qui n'est même pas annuel, qui consiste tous les quelques années à organiser au niveau européen, avec une participation française importante, le recrutement de nouveaux astronautes. Donc on a eu un recrutement d'astronautes il y a 2 ans qui s'est fait. Au niveau européen, ce qu'il faut savoir, c'est que le nombre de candidats français était le nombre le plus élevé de l'ensemble des nationalités. Voilà. Et donc, il y a ce rôle d'animation au niveau des astronautes et bien sûr le suivi de l'entraînement, mais l'entraînement est plutôt fait côté ESA. Donc, Léopold peut-être en parlera tout à l'heure. Ce qu'on fait au quotidien également, c'est tout ce qui est la science à bord de la station. C'est quand même, si j'ai bien compris, c'est une soirée scientifique. Donc peut-être en cours de soirée, on aura l'occasion de parler des expériences scientifiques qu'on fait à bord de la station. Donc ça, c'est le gros de l'activité au niveau du CNES en France dans les vols habités. En termes de recherche. En termes de recherche dans différents domaines, on pourra peut-être en parler après. Et puis également, on s'occupe de tout ce qui est la réflexion sur le long terme, puisque la station spatiale, un beau jour, elle va s'arrêter. Et donc, il faut commencer à préparer le terrain. Quel rôle la France et l'Europe pourront-ils avoir dans 5, 10, 15, 20 ans, une fois que la station spatiale sera... Et vous travaillez déjà, parce qu'on a eu des soirées où on a parlé de Mars, de l'exploration de Mars et du système solaire, etc. Vous travaillez déjà concrètement un petit peu sur des projets comme ça de vol habité vers une planète lointaine comme Mars ou... Oui, absolument. Alors... Sans vouloir rentrer dans trop de détails techniques, peut-être qu'il y aura des questions plus tard, on verra. Il y a 5 ans, s'est créé un groupe international. Alors, désolé, je vais employer un acronyme anglais. On adore les acronymes, les mots barbares, etc. On est là pour ça. Bon, l'acronyme, c'est ISEC, I-S-E-C-G, ce qui veut dire International Space Exploration Coordination Group, le groupe international de coordination de l'exploration spatiale. C'est un groupe qui a été créé donc en 2007 par 14 agences spatiales de par le monde, dont le CNES, dont l'ESA, dont la NASA, les Japonais, les Russes, les Chinois, etc. etc. Et quel est le but de ce groupe international ? C'est précisément d'établir une feuille de route entre aujourd'hui et le point ultime, qui est ce que vous dites, c'est-à-dire l'homme sur Mars. Et donc, bien sûr, on ne va pas du jour au lendemain dire « Youpi, on va prendre la première Ariane ou le premier vaisseau ». On a vu d'ailleurs leur dernière soirée, c'est un peu plus compliqué. Donc, il y a toute une série d'étapes. Certaines étapes seront faites en France ou en Europe, d'autres aux États-Unis, d'autres dans d'autres pays. On essaye de mettre tout ça en musique, en synergie, on travaille là-dessus et on crée cette feuille de route pour les 20, 30, 40 prochaines années. Et donc c'est un travail qui a démarré il y a quelques années, qui se poursuit, qui s'intensifie même. Un beau jour, on va présenter collectivement, donc l'ensemble de ces agences spatiales de par le monde, dont le CNES, je répète, un beau jour, on va présenter les résultats de cette analyse, de ce travail, aux politiques des différents pays. Puis on va leur dire, chères mesdames, chers messieurs, ça coûte 130 milliards. Voilà ce qu'il faudrait faire. Et puis sortez votre chéquier. C'est un peu caricatural, mais c'est un peu ça. Et donc dans chaque agence, on a des équipes qui travaillent spécifiquement sur les vols habités. Oui. Oui, en ce qui concerne les agences principales. Il y a toute une série de... Pardonnez-moi l'expression pour elle, mais de petites agences, le Bureau spatial suisse je veux pas être désagréable vis-à-vis de nos amis suisses ou autres, mais voilà, la plupart des grandes agences, dont le CNES, dont l'ESA bien entendu, ont une activité au niveau vols habités, tout simplement parce que les vols habités, sont un des piliers du spatial. Merci François pour cette petite belle présentation. Notre second invité du soir, c'est vous, Léopold Eyart. Je prononce bien ? Oui, très bien. C'est ça ? Oui, continue. Alors vous êtes astronaute. Vous êtes un astronaute français à l'ESA. Alors vous avez été la doublure de Claudie Aigneret en 1997, qu'on connaît sûrement tous ici, qui est la première femme française à aller dans l'espace, c'est bien ça ? Absolument, voilà. Vous êtes allé 2 mois sur la station Mir en 98, et vous avez également passé 2 mois dans la station spatiale internationale. Alors, on va dire Station Spatiale Internationale et ISS. ISS, c'est l'acronyme anglais de Station Spatiale Internationale. C'est plus simple à dire, ISS. Donc en 2008. Une petite rectification, mon premier vol c'était 3 semaines. Trois semaines. Voilà, donc j'ai volé. Alors à l'époque j'étais au CNES, donc j'étais astronaute français du CNES. Et aujourd'hui donc je suis astronaute français de l'Agence Spatiale Européenne. Est-ce que c'était un rêve de toujours de devenir astronaute chez vous ou... Pour moi, oui, ça a été un rêve de toujours. Voilà, donc j'avais une douzaine d'années lorsque les Américains ont mis le pied sur la Lune, et c'est quelque chose qui m'a marqué. Voilà, donc c'est toujours resté dans ma mémoire, même si après j'ai pensé à d'autres choses, mais c'est toujours quelque chose qui était là présent. Voilà, donc j'ai fait une carrière de pilote militaire, donc j'étais officier de l'armée de l'air jusqu'à l'année dernière d'ailleurs, pilote de chasse et pilote d'essai. Et je m'étais dit que le premier jour où il y aurait une opportunité, eh ben, je me présenterais. Et donc c'est arrivé en 1985. La première chance, si on peut dire. Le CNES recrutait des gens à ce moment-là pour des vols d'un futur projet qui s'appelait Hermès et qui demandait d'avoir des pilotes. Voilà. Donc j'ai fait une première candidature en 85, une deuxième en 90. Et en 90, j'ai été recruté par le CNES. Voilà. Mais j'ai quand même attendu 8 ans pour faire ma première mission. Ensuite, j'ai encore attendu 10 ans pour faire la deuxième. Voilà. Donc, mais pour revenir à votre question sur comment devient-on astronaute, bon, ben ça dépend, je dirais, un peu des opportunités. Voilà. Donc, il y a eu, malheureusement, en Europe, il n'y a pas beaucoup d'opportunités. Il y en a plus aux États-Unis. Les Américains, tous les 3-4 ans, ils vont faire un recrutement d'astronautes. Donc, ils vont avoir une nouvelle promotion. Bien que maintenant, ça va être un peu réduit, puisque, comme vous le savez, la navette américaine ne vole plus, la navette spatiale. La navette spatiale, c'est ce qui a fait voler le plus d'astronautes dans l'histoire des vols habités. Et une histoire mouvementée au niveau des navettes spatiales. Oui, mouvementée, oui. Mais il faut pas décourager. C'est l'exploration. Il faut pas décourager notre public. Hein. On a des jeunes qui sont là ce soir, des moins jeunes aussi, qui peuvent encore rêver et espérer être astronaute un jour. Sait-on jamais. Et j'espère que les opportunités, on en aura plus dans l'avenir. Et ça, il faut demander à François qu'il travaille là-dessus. Mais nous aussi, d'ailleurs, hein, on est là aussi pour essayer de motiver, disons, les décideurs pour que les vols d'habités dure et s'amplifie dans l'avenir. Alors, concernant vos voyages là-haut dans la station, en tout cas votre dernier voyage, vous êtes sorti dans l'espace ou... Non, je ne suis pas sorti dans l'espace. Non, c'est quelque chose que j'aurais aimé faire. Je me suis entraîné pour ça, mais je n'ai pas eu d'opportunité pour pouvoir le faire. Ça, c'est pas vous qui décidez. Ça dépend de la mission, en fait. Et en fait, moi, j'étais dans une mission en tant que... sur un vol de longue durée. Donc j'étais membre d'équipage de la station, même si je suis parti et revenu au cours de cette mission avec la navette, mais j'étais membre d'équipage de la station, donc il y avait moins de possibilités pour faire des sorties, ce qu'on appelle des sorties extravéhiculaires ou EVA en anglais. Mais il n'y en avait pas pour moi, malheureusement. Alors, merci Léopold. Rentrons tout de suite un petit peu dans le vif du sujet. Sur cette station spatiale internationale, est-ce qu'on peut peut-être faire un petit historique de sa construction, du projet de station internationale? Comment ça s'est monté? Comment le projet s'est monté? En quelle année? Et comment ça a évolué jusqu'à aujourd'hui? Alors bon, je vais essayer de faire bref quand même, parce l'histoire est assez longue, hein, puisque au départ, le projet a pris naissance à la fin des années 80. Et au départ, c'était une station qui était internationale, mais avec les pays occidentaux seulement. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas les Russes, n'étaient pas dans l'équipe. On a Reagan, hein, qui a initié un petit peu le projet en janvier, début d'année 1984. Voilà, c'est ça. Et ça s'appelait, le projet s'appelait Station Freedom. Voilà, donc c'était une Station Liberté. Voilà, Liberté, le projet initial. Ensuite, on sait les événements politiques qu'il y a eu à la fin des années 80, et à partir du début des années 90, la station a été, les Américains ont demandé aux Russes de rejoindre le programme. Voilà, donc la station Freedom est devenue station spatiale internationale. Au départ, ils étaient seuls, c'est ça, les Américains? Les Américains au départ n'étaient pas seuls, puisqu'il y avait déjà les Européens, les Japonais et les Canadiens. Donc, c'est-à-dire les trois autres partenaires de la station spatiale internationale, en plus des Russes. Voilà. Et donc dans les années 90, le projet a continué comme ça. Les Américains ont utilisé la station Mir avec la navette spatiale, ce qui a été en fait une première phase qu'ils appelaient la phase 1 pour la station spatiale internationale. Et ils ont pu à la fois faire arrimer, accrocher la navette à la station spatiale russe, et aussi avoir des astronautes américains qui ont fait des vols de longue durée. Parce que jusqu'à cette période-là, pratiquement, il n'y avait que les Russes qui faisaient des vols de longue durée. Donc cette station Mir venir. C'était une première ébauche de c'est un peu l'ancêtre de la station spatiale internationale, c'est ça? Disons que c'est l'ancêtre dans la coopération. Mais c'est une station qui était purement russe. Voilà, donc elle était, tous les modules étaient russes. Ah, pourquoi vous dites que les Américains ont demandé aux Russes de se joindre à eux? Est-ce que c'est parce que les Russes avaient une plus grande expérience en termes de spatial, de vol habité? On se souvient de Gagarine, hein, le premier homme, le 12 avril 1961, et toutes les missions que les Russes ont faites. Est-ce que c'est pour cette raison que les Américains ont fait appel aux Russes? Je pense qu'il y a eu plusieurs idées derrière. La première, bon, c'est une idée politique, bien entendu, puisque c'était après la fin de l'Union soviétique. Donc c'était une façon aussi de joindre les Russes à un projet international occidental. Et puis aussi, je pense qu'il y avait un problème de coûts. Et c'était aussi une façon de réduire les coûts, parce que la partie russe de la station internationale apporte beaucoup dans toutes les fonctions de la station. Voilà. Je sais pas, peut-être que François a quelque chose à dire là-dessus. Oui, effectivement, en complément à ce que dit Léopold, il y a aussi l'aspect plus politique d'éviter que les ingénieurs, les scientifiques russes du spatial au début des années 90, lorsque l'Union soviétique s'est désintégrée, ne s'orientent vers des choses moins sympathiques que de la coopération civile, scientifique, internationale. J'en dirai pas plus, mais je pense que ça peut réchauffer un peu les relations. Voilà. Et pour poursuivre donc l'historique qu'a commencé Léopold, donc courant des années 90, ça a été la mise en place de ce partenariat Est-Ouest, finalement, sur la base de Mir et sur la base de travaux en Occident. Et il y a eu donc le premier module lancé en 98, qui était c'est quelle année à peu près Mir, c'est les années 90. Oui, c'est les années 90, de 86 à 2001. Oui, c'est la totalité de la décennie 90-2000. Voilà. Et donc, sur la base des travaux de Mir, des modules russes ont commencé à être construits, et le premier module de la station spatiale est un module russe. Les deux premiers modules sont des modules russes en 98. Ensuite, il y a eu des modules américains, et puis petit à petit, vous pouvez trouver ça sur Internet. C'est un jeu de Lego. C'est un Lego, hein, c'est voilà, ça. Voilà, ouais. Exactement. Un mécano géant. Vous avez un module qui s'accroche à un autre module, etc. On greffe etc. des petits modules les uns aux voilà. autres pour construire. Et en particulier, donc, en 2008, le fameux module européen Columbus, dans le cadre de la mission de Léopold. Il y a eu un tout petit peu plus tard, toujours en 2008, le premier module japonais. Il y a aussi eu des équipements canadiens, voilà. Et ce n'est que l'année dernière, en 2011, que la station a été terminée. Donc, elle a commencé seulement l'année dernière. Absolument, elle a commencé à être construite en 98. 13 ans. 13 ans de construction. Donc ça a été. Et pourquoi 13 ans? Bon, d'abord, il y a les lenteurs inhérentes à ce genre d'activité. Et puis, n'oublions pas, il y a eu quand même un événement absolument fondamental. En plein milieu de cette période, le 1er février 2003, l'explosion de la navette Columbia au-dessus du Texas. Et cette explosion de Columbia a cloué au sol pendant 2 ans et demi les navettes, et les navettes qui étaient le constructeur de la station. Parce que c'est ça, les navettes, c'est un petit peu, entre guillemets, le moyen qu'on utilisait le plus pour amener ces petites pièces du Lego et pour construire la station internationale. Des grandes pièces du Lego. Des grosses pièces, ouais. Juste pour donner un ordre de grandeur, typiquement, donc les modules principaux de la station, ce sont des cylindres dont la taille, alors c'est variable, hein, d'un à l'autre, mais pour fixer une idée, typiquement, en moyenne, un diamètre, c'est de l'ordre de 5 mètres. Et une profondeur 10-15 mètres suivant les modules. Hein. C'est un peu variable. Voilà. On est à peu près à la taille de cette salle, quoi. En longueur, une dizaine de mètres. Alors, j'ai jamais été très bon en géométrie visuelle, donc peut-être. On regardera sur la photo après. 8 mètres. Oui, 8 mètres. Bon. Ouais. Alors, juste un mot encore, puisqu'on parle des dimensions. Donc, ça a été terminé l'année dernière. Et donc, la totalité, l'envergure de la station, pour vous donner une idée, c'est un terrain de foot. Voilà. Terrain de foot. Donc, imaginez-vous six bons hommes ou six bonnes femmes, passez-moi l'expression, qui qui évolue sur un terrain de foot. Peut-être Léo, tu veux parler de ton expérience. Déjà qu'à 22 sur le terrain de foot, ils ont de la place, mais alors à 6, qu'est-ce que ça doit être? Alors le terrain de foot, c'est la surface complète, hein. Mais dans la station, il y a une grosse partie qui n'est pas habitée. Par exemple, les panneaux solaires, c'est ce qu'on voit le plus. Bon, évidemment, c'est pas une zone habitée, mais toute la zone habitée se trouve le long de l'axe principal de la station, en fait. Mais c'est vrai que c'est grand. Moi, je me rappelle lorsque j'étais à bord, on était que 3. Puisqu'aujourd'hui il y a 6 membres d'équipage en permanence, hein. On n'était que 3 et parfois je ne savais pas où étaient les autres, hein. Donc on avait du mal à se trouver parfois. Alors ça c'était ma prochaine question. Est-ce que cette station elle a toujours été habitée? Il y a toujours des cosmonautes qui sont à bord, hein. Des astronautes, Non, elle n'a pas toujours été habitée parce qu'au début il fallait mettre en place les modules de base. La construction a commencé en 98 et le premier vaisseau habité, pour une habitation permanente, est parti à la fin de 2000. Alors aujourd'hui et depuis maintenant combien, un an et demi, oui, 2009 à peu près, on a 6 membres d'équipage à bord. Voilà. Et comment ça se passe qu'on y arrive? Est-ce que quand on rentre dans la station internationale, c'est comme quand on arrive à l'hôtel et qu'on découvre sa chambre d'hôtel avec un beau lit, une belle salle de bain, un quotidien comme ça qui nous change? Est-ce que vous avez découvert ça avec un œil fasciné? Alors, c'est pas une découverte absolue, hein, parce que on est en général, les gens s'entraînent depuis longtemps, hein. L'entraînement pour une mission, c'est minimum 2 ans, voire plus. Pour moi, ça a été plus de 3 ans, puisque j'étais d'abord remplaçant pour une première mission européenne. Donc, les gens qui arrivent connaissent déjà bien l'endroit. Vous savez déjà les emplacements. Même si on y va pour la première fois, d'abord, il y a des modules d'entraînement au sol. Ensuite, il y a aussi les images, hein, les vidéos, les photos que l'on voit et sur lesquelles on travaille en permanence avant de faire les missions. On est à combien d'altitude à peu près au niveau de la station? On est à peu près à 400 km. 400 km. Voilà. Ce qui est une altitude relativement basse pour un satellite, hein. Je voulais venir à justement votre mission, et une des choses que vous avez faites lors de votre mission, c'est que vous avez accueilli justement Columbus, qui est le laboratoire scientifique européen, qui a été intégré donc en 2008, avec votre aide, hein, puisque vous avez apparemment... manœuvrer le bras robotisé qui a permis l'arrimage de ce laboratoire. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette expérience? Je vais essayer de vous en dire quelques mots quand même. La mission consiste, alors pour moi c'était, j'ai accompagné Columbus puisque je suis parti dans la navette avec 6 autres membres d'équipage. Donc il y avait 6 membres d'équipage qui étaient vraiment l'équipage de la navette, et moi j'étais membre d'équipage de la station. Donc le but de la mission, c'était d'amener le module, donc il était dans la soute de la navette, de s'accrocher à la station, de le décharger avec le bras robotique. Alors c'est pas moi qui ai fait cette opération malheureusement, mais après j'ai utilisé le bras un peu plus tard pour des expérience européenne. Et lorsqu'on a eu déchargé le module et qu'on l'a accroché à la station, on a commencé à l'amener à la vie, si on peut dire, hein, c'est-à-dire activer tous ces systèmes, activer les installations scientifiques de bord. Donc la navette qui amenait Columbus est repartie au bout d'une douzaine de jours, et moi je suis resté à bord pendant encore un mois et demi pour terminer l'activation du module et des expériences scientifiques. Quand vous dites activation, ça veut dire quoi? Alors l'activation, c'est le module, lorsqu'il est transporté dans la navette, il est un peu en mode de survie, si on peut dire. Il est pas, tous ces systèmes de bord en fait sont désactivés. Donc lorsqu'on va l'amener, électronique, c'est ça? Alors le système, on peut en dire un petit mot, mais lorsqu'on l'accroche à la station, on l'amène à la vie, c'est-à-dire que il y a tout un réseau informatique qui va permettre de commander le module, qui va permettre de le refroidir, qui va permettre les communications audio, vidéo, qui va permettre aussi il y a tout un réseau d'installations scientifiques à bord. Donc c'est tout ça qu'il fallait activer, démarrer et commencer pendant la durée de mon vol les premières expériences à bord. C'est fantastique, parce que je pense que là on ne se rend pas encore peut-être bien compte des conditions dans lesquelles on est. On est dans l'espace, donc vous parlez de froid, il fait froid, hein, là dehors à l'extérieur à 400 km d'altitude. Il fait froid et des fois il fait chaud. Si on est au soleil ou si on est à l'ombre, on passe de plus de 150 degrés à moins moins 150 degrés. Hein. Ouais, donc c'est tout ça, évidemment, pour les structures des modules, c'est assez contraignant. Donc il y a un système qui permet de contrôler la température du matériau de la structure, en fait. Il y a à la fois ça, et il y a aussi le fait que cette station internationale, elle tourne autour de la Terre, donc elle a une certaine vitesse. On est à quelle vitesse, là, quand on est à bord de la station ? Alors, c'est ce qu'on appelle la vitesse orbitale à 400 km, donc ça fait à peu près 28 000 km/h, ce qui fait dans les 7 km par seconde. Voilà. 7 km par seconde. Alors, pour donner une idée, il faut à peu près, il faut moins de 2 minutes pour traverser la France d'ouest en est. Moins de 2 minutes ? Moins de 2 minutes, oui. Pratique. Une minute 45, une minute 50. Enfin, ça dépend de... Pratique, mais plus cher que le train, quand même. Hein. C'est plus cher. Ouais, mais enfin, bon, nous, on ne paye pas. Hein. Vous êtes payé pour... C'est nous qui payons. C'est les États qui payent. Oui, en fait, c'est vrai. Nous aussi, on paye, les astronautes, puisqu'on est aussi des contribuables. Mais en fait, la station, elle appartient à tout le monde. Hein. Elle appartient à tous les contribuables français et européens. Voilà, vous faites le tour de la Terre plusieurs fois par jour, hein, au bord de la station. Hein. Oui, on fait un tour de la Terre. Enfin, on fait 15 à 16 tours de la Terre par jour. Oui. Et une autre question qui me vient à l'esprit, le temps au bord de la station, vous gardez vos montres et référence que sur Terre. Oui, alors que sur Terre, on a évidemment un peu partout sur Terre. Ben, donc on travaille en fait en général à l'heure universelle, donc à l'heure du méridien de Greenwich, donc ce qui est à peu près l'heure française. Hein. Là on est plus 1, c'est ça. Aujourd'hui, en ce moment, on est plus 2. Plus 2. D'accord. Donc l'équipage de la station travaille à peu près dans les mêmes horaires qu'à Paris ou à Londres. C'est plus difficile déjà. Pour les Japonais, donc c'est pour les gens qui contrôlent, hein, parce qu'il y en a aussi, même pour les Américains, c'est effectivement les heures de travail sont pas centrées sur leurs heures de travail. Voilà. Alors vous l'avez dit, hein, on a donc, c'est une station donc internationale, donc on a les États-Unis, le Canada, la Russie, le Japon. Aujourd'hui, on a aussi le Brésil, hein, qui s'est joint au cours de l'histoire à cette coopération internationale. La France et au sein de l'Union européenne, donc on a 10 autres pays membres, l'Allemagne, l'Italie, etc. Alors effectivement, le mot international a toute sa valeur, puisque effectivement, il y a les différents pays. Par contre, ce qu'il faut souligner, c'est... comment dire, le niveau de coopération. C'est-à-dire, on ne peut pas comparer l'implication des États-Unis avec celle de la France avec celle du Brésil avec celle de l'Autriche, etc. Et je vais essayer d'expliquer pourquoi. Vous avez les deux grands partenaires de la station, que sont les États-Unis et la Russie. Et à eux deux... piliers, hein. Les deux piliers, voilà, exactement. Donc à eux deux, ils font... à la louche, 2/3, presque 3/4 du financement des activités, des expériences, des astronautes, etc., etc. Voilà. Donc ça, vous avez les deux chefs, si je puis dire. Puis ensuite, vous avez des partenaires importants, mais un cran en dessous, que sont les Japonais et l'Europe. Alors l'Europe, je fais une petite rectification, c'est pas l'Union européenne, c'est l'Agence spatiale européenne. Et à l'intérieur de l'Agence spatiale européenne, c'est pas l'ensemble des pays de l'agence, mais c'est à peu près la moitié des pays de l'agence qui contribuent au financement de la station. Et là aussi, que ce soit les Japonais ou que ce soit les Européens pris dans leur globalité, ce sont des financements qui sont pas neutres. C'est de l'ordre de 10% chacun, Japon et Europe, de l'ensemble du financement de la station. Je reviendrai sur l'Europe tout à l'heure. Et puis vous avez un troisième niveau de partenaires internationaux. Vous avez mentionné le Brésil, vous avez certains pays asiatiques qui toquent à la porte ou qui rentrent ponctuellement. Alors là, c'est plus, je ne veux pas être méchant, mais c'est presque plus anecdotique. Typiquement, ils vont envoyer un astronaute pour quelques semaines ou quelques mois, ils vont envoyer 2-3 expériences. C'est symbolique, c'est important, mais c'est ça l'histoire va. Voilà. Qui fait aussi qu'ils ont maintenant peut-être les moyens de le faire. Des moyens qu'ils n'avaient tout pas à avant. Fait. Tout à fait. Ils apportent une petite contribution. Voilà, exactement. Donc le fait d'avoir la capacité d'envoyer un astronaute à bord de l'ISS, le fait que cet astronaute fasse des expériences scientifiques à bord des laboratoires scientifiques de son pays, voilà, c'est au niveau du drapeau de ce pays, au niveau du prestige scientifique, politique, etc. de ce pays, c'est très important, effectivement. Si vous permettez, je reviens une minute sur l'Europe. Allez-y, allez-y. J'ai parlé de l'Europe dans sa globalité, typiquement une dizaine de pays. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un leader en Europe sur toutes ces affaires de vols habités, c'est l'Allemagne, c'est pas nous. Eh non, c'est non. C'est l'Allemagne, historiquement, qui a mis entre un tiers et la moitié du financement au fil des années et des décennies sur ces affaires-là, suivi quand même par la France, et puis ensuite vous avez l'Italie et puis toute une série d'autres pays. Donc là aussi, la même chose que j'ai dite au niveau international entre les grands et les petits et les intermédiaires, la même chose s'applique à l'intérieur de l'Europe. C'est-à-dire vous avez les deux grands, France-Allemagne, avec quand même une prééminence allemande. Vous avez un ou deux pays intermédiaires, l'Italie, la Belgique, etc. Et puis vous avez une ribambelle de pays qui, voilà, qui jouent un rôle, bien sûr, qui apportent des expériences, qui de temps en temps apportent des astronautes, mais qui financièrement sont beaucoup moins impliqués. C'est selon aussi les instruments, etc., le type de coopération, j'ai envie de dire, qu'on apporte aussi à la station. Là, j'ai l'exemple de Columbus, par exemple, c'est ce laboratoire sur lequel on reviendra sûrement. Son coût hors frais de lancement s'élève à 880 millions d'euros répartis sur 26 ans hein. Et donc bah voilà, c'est financé en majorité par l'Allemagne 51%, l'Italie 23% et la France 18%, donc vraiment à peu près. Donc les trois gros acteurs au niveau européen. Léopold, vous vouliez rajouter quelque chose? Ouais, moi j'ai un chiffre à vous donner aussi. En gros, la construction de Columbus, en fait, sa phase préparatoire à sa mise en place, au total, ça a coûté à peu près 1 euro par an et par citoyen européen. Voilà. Donc pour donner un ordre de grandeur. Alors c'est beaucoup moins que beaucoup d'autres choses. 1 euro par an par habitant européen. Par habitant européen, oui. Pendant donc une quinzaine d'années à peu près. C'est rien. Je vous laisse le dire. Tout est relatif. Est-ce qu'on a des premières questions, des premières réactions chez vous, messieurs, dames? Est-ce que je peux peut-être compléter? Allez-y, François. Si vous permettez, excusez-moi d'interrompre. Pour compléter à la fois ce que dit Léo et puis compléter la question, il y a en fait deux piliers européens dans la station spatiale. Il y a le pilier Columbus dont on vient de parler, le quasi 1 milliard que vous avez mentionné au fil des ans, la totalité. Mais il ne faut pas oublier l'autre pilier européen, l'autre pilier de la contribution de l'Europe à la station spatiale, qui est le véhicule ATV dont vous avez peut-être entendu parler, le vaisseau automatique ravitailleur de la station, qui n'est pas habité, qui ne comporte pas d'astronautes, mais qui joue un rôle absolument fondamental d'apporter, je caricature un peu, l'eau, le gaz et l'électricité à la station tous les 1-2 ans. La station a besoin en permanence de recevoir des équipements, de l'eau, de l'oxygène, des expériences scientifiques, de la nourriture, plein de choses. Et donc, il faut bien la ravitailler. Et l'Europe, et singulièrement la France, au travers de ADS et puis plein d'autres industriels, la France a le leadership sur cette affaire du vaisseau ravitailleur. Et donc, c'est un gros véhicule ravitailleur qu'on envoie et qui se fixe à la station et qui permet de ravitailler en vivres, en oxygène, etc. Exactement. Et il y a une actu récente, hein, d'ailleurs. Alors justement, voilà. Donc, pourquoi c'est Columbus est fondamental, bien entendu, mais l'ATV également, et en particulier pour revenir à la casquette CNES, puisque c'est quand même une soirée CNES. Le CNES a quand même un rôle absolument majeur dans cette affaire ATV. D'abord, comme on l'a dit tout à l'heure, la France est à l'origine de ce projet qui est un petit peu la suite d'Hermès qu'évoquait Léopold tout à l'heure. Tout le développement, enfin le gros du développement s'est fait au Mureau, en banlieue parisienne, aussi au site de ADS ex-aérospatial. L'ATV est opérée depuis le CNES. Le centre de contrôle de l'ATV est à Toulouse, chez nos collègues du CNES à Toulouse. Et, last but not least, l'ATV est lancée par Ariane, en Guyane. Et donc, pour revenir à ce que vous dites, effectivement, il y a quelques semaines, il y a eu le lancement du troisième ATV depuis Kourou, en Guyane française. Léopold et moi avions la chance d'assister au lancement. Et c'est quelques jours plus tard, faisait chaud et surtout humide. Et quelques jours plus tard, donc l'ATV est lancée par Ariane, quelques jours plus tard, donc l'ATV, ce qu'on appelle, s'arrime à la station. Et voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'ATV, ça contribue, si vous voulez, à la participation européenne, comme l'a dit François. Donc en ravitaillant tout le monde, on apporte notre quote-part à l'édifice, si on peut dire. Donc on paie nos droits d'utilisation en faisant ça. Mais le premier ATV a volé donc en 2008. Il s'est arrimé quelques semaines après, ou même 15 jours après que je sois revenu de la station. J'espérais beaucoup le voir, mais bon, c'était pas prévu comme ça. Sinon, la station est en permanence ravitaillée par d'autres véhicules. Alors, la navette, bien sûr, était à la fois un véhicule qui permettait de construire la station, mais aussi de la ravitailler, puisqu'il y a eu pendant toute la durée de la construction des vols navettes qui étaient faits pour amener des modules, amener des panneaux solaires, des choses comme ça, mais aussi pour des missions qui étaient purement de ravitaillement, et puis aussi par les vaisseaux russes. Donc les Russes ont aussi des vaisseaux cargo qui sont un peu plus petits, beaucoup plus petits que l'ATV, et qui existent depuis une quarantaine d'années aussi, et qui assurent le ravitaillement régulier, puisqu'il y a un vol tous les 3 ou 4 mois à peu près. Mais c'est pas une navette, tout est automatique. Alors l'ATV est entièrement automatique, et ça c'était, je crois qu'il faut le souligner, c'est quand même une grande réussite française et européenne, oui. Puisque c'est la première fois en Europe que l'on construisait un véhicule capable de faire un rendez-vous automatique avec un objet dans l'espace, et aussi de s'accrocher, de s'arrimer automatiquement. C'est quoi, donc, vous parlez de rendez-vous automatique, ça se passe comment on fait pour que ces deux trucs s'arriment là en haut à 7 km par seconde, pour qu'ils se rend compte, qu'il s'accroche, que les portes s'ouvrent et tout. Comment on fait ? Bon, d'abord, on pourrait en parler longtemps, mais le principe, déjà, c'est de lancer le vaisseau, si on peut dire, qui va faire la poursuite, donc le vaisseau ravitailleur, au moment où le plan d'orbite de la station passe au-dessus de la zone de lancement. Voilà, donc il faut que les plans d'orbite coïncident, en fait. Voilà. C'est quoi le plan d'orbite ? Grossièrement, on peut dire que la station, elle décrit une orbite circulaire autour de la Terre, mais elle est sur un plan. Voilà. Donc la Terre tourne en dessous, mais la station elle-même est sur un plan qui est relativement fixe. Voilà. Donc il faut attendre que la Terre arrive dans la bonne configuration pour lancer le vaisseau qui va à ce moment-là être dans le même plan, et là il va pouvoir, comme il est un peu plus bas, il va tourner un peu plus vite, donc il va rattraper la station. Donc on part à la poursuite de la navette, de la station, pardon, et on la rattrape. Et en général, ça prend, alors ça dépend des vaisseaux, mais il faut au moins 2 jours pour la navette ou pour le Soyouz, par exemple, le vaisseau d'équipage russe. Il faut 2 jours pour rattraper et pour venir s'accrocher. Mais après, comment on fait pour s'accrocher ? Alors après, c'est il y a des bras, il y a. Alors, ça dépend, je dirais. Mais c'est de la mécanique pour s'accrocher physiquement. Mais il y a des vaisseaux comme les vaisseaux cargo russes, les Progress, le vaisseau européen, l'ATV, donc, qui s'arrime automatiquement. Donc il faut une précision très très très très grande, puisque c'est de l'ordre de moins de 10 cm de précision au moment où on va. Moins de 10 cm de précision. S'accrocher sur la station. Voilà, moins de 10 cm. Et ça, alors, je suppose qu'on utilise des procédés optiques ou de physique. Oui, c'est par des systèmes optiques, effectivement, laser, à base de vidéo, avec des réflecteurs qui sont sur la station. Et ça, c'est d'ailleurs une des grandes réussites de la TV, d'avoir pu développer ce genre de ce qu'on appelle de capteurs de rendez-vous. Voilà, par contre, d'autres véhicules, comme par exemple, alors les Japonais ont aussi un véhicule de ravitaillement qui s'appelle HTV. Oui, c'est pas tout à fait la même chose. Il y a également d'autres vaisseaux qui vont arriver dans quelques mois, des vaisseaux alors commerciaux cette fois, qui sont développés aux États-Unis, qui arrivent. Donc, alors eux, ils s'accrochent pas tout seuls à la station. Ils vont venir en dessous de la station, ils vont s'arrêter, et là, c'est le bras robotique qui va les attraper et les installer. Ils vont s'arrêter, mais ils s'arrêtent comment? S'ils s'arrêtent, ils tombent? Non, ils s'arrêtent par rapport à la station, mais tout le monde bouge pendant ce temps-là, mais c'est en vitesse relative en fait. En vitesse relative, ils auront la même vitesse Ils seront pratiquement à vitesse relative nulle. Quand on est dans la station, on le voit fixe par rapport à nous. Quoi. Voilà. Et d'ailleurs, il faut qu'il soit fixe parce que pour que le bras puisse l'attraper, il ne faut pas que l'objet bouge trop vite. Et donc il l'attrape et il le. Donc, on a l'impression d'être dans un film. On l'accroche là où on veut, à l'endroit prévu sur la station. On voit la porte qui s'ouvre, le bras qui descend et qui le remonte. Oui, alors c'est l'équipage qui est chargé de ça. Voilà. Donc c'est partie de la formation des astronautes. C'est assez incroyable. Est-ce qu'on a des questions, des remarques ici? Au fond, que devient l'ATV après avoir livré sa marchandise? Bonne question. Alors, l'ATV reste accroché à la station pendant plusieurs mois. Donc ça peut varier, je dirais, entre 4 et 6 mois. Pourquoi c'est le temps de ravitaillement, etc.? Alors, c'est le temps... Alors, je voudrais dire autre chose sur l'ATV. Alors, c'est vrai que c'est un vaisseau de ravitaillement. Mais lorsqu'il est accroché à la station, il devient aussi un des modules de la station. Donc, il devient aussi habité, hein, puisque l'équipage peut rentrer dedans et il y a même des gens qui voulaient aller dormir dedans, même si ce n'était pas prévu comme ça. Mais s'il y a des tensions à l'intérieur de la station, voilà, on peut avoir un boudoir. Hein, ouais. Mais donc l'ATV ne fait pas seulement ça. C'est-à-dire que lorsqu'il est accroché à la station, il devient aussi un des modules. Il participe au système de propulsion. C'est-à-dire qu'il va pouvoir, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, remonter la station quand c'est nécessaire. C'est-à-dire que la station, remonter, comme on l'a dit. Pourquoi? Alors. Comme on l'a dit tout à l'heure, à 400 km, il y a encore de l'atmosphère. Donc la station, c'est un peu comme un grand voilier. Bon, même s'il n'y a pas beaucoup de vent, hein, pas beaucoup d'air, elle finit par être freinée. Et comme elle est freinée, elle redescend doucement. Donc régulièrement, il faut la remonter. Et alors, la gravité, c'est ça aussi qui c'est la gravité qui contribue, mais c'est aussi le freinage atmosphérique. Un peu comme ce qu'on appelle la traînée des avions, en fait, hein, le vent relatif. Voilà. Et donc régulièrement. Il va falloir la faire remonter. Donc l'ATV. Sinon elle tombe. Voilà. Sinon, son altitude diminue et il va arriver un moment où l'altitude sera tellement basse qu'elle va finir par tomber rapidement. D'accord. Voilà. Et elle va tomber un peu n'importe où. C'est ça le problème. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment la remonter. Il faut la remonter. On ne va pas se prendre un terrain de foot sur la tête. Hein. Oui. Et le reste. Donc l'ATV participe. Alors il utilise son propre carburant pour pouvoir remonter la station, donc ça permet d'économiser leur carburant qui est à l'intérieur de la station. Côté russe seulement d'ailleurs, il n'y a que les Russes qui ont des moteurs. Hein. On parlait de coopération tout à l'heure, les Russes, eux, ils amènent les moteurs. Mais l'ATV participe aussi au contrôle de l'attitude, c'est-à-dire de son orientation. Voilà, parce que la station, de temps en temps, il faut changer son orientation et l'ATV peut être utilisé pour ça aussi. Et donc, pour répondre à la question de monsieur... Il reste quelques mois ces opérations. Lorsque tout a été transféré, alors on transfère du matériel, bien sûr, ça peut être tout ce qu'on veut, du matériel scientifique, des équipements, des rechanges pour la station. Ça peut être des choses pour l'équipage. Hein, l'équipage aussi reçoit des petits cadeaux de temps en temps, de la famille, des amis. Bon, pas beaucoup, mais enfin, ça fait aussi partie de les trois derniers qu'on Noël, peut amener. Les cinq derniers anniversaires. Voilà, par exemple, oui. Ensuite, il y a aussi de la charge fluide. On peut amener aussi de l'eau, on peut amener de l'oxygène, de l'air, des choses comme ça. La vodka et, pour nos amis russes. Oui, non, enfin, a priori non. Hein. Bon, j'ai pas été tout vérifié hein, dans la TV. J'ai essayé. Hein. Je fais pas le contrôle douanier de tous les ATV. Lorsque tout ça a été transféré et que l'ATV aussi a participé donc à sa mission de propulsion, donc lorsque ses réservoirs commencent à être relativement bas, à ce moment-là, on le sépare de la station et on va le faire revenir. Alors cette fois-ci en rentrée contrôlée, donc on va le freiner doucement pour qu'il rentre dans l'atmosphère et qu'il brûle dans l'atmosphère comme mais évidemment au-dessus de zones non habitées en général au-dessus du Pacifique. Donc on le détruit tout simplement. Voilà, donc c'est une destruction contrôlée, si on peut dire. Voilà. D'accord. Ils brûlent et puis les morceaux tombent dans la mer. Ils brûlent et les morceaux tombent dans la mer. Voilà. D'accord. C'est pas du gâchis un petit peu ? On pourrait pas le récupérer, l'utiliser, enfin... Il n'est pas prévu pour ça. Voilà, parce que pour faire rentrer un objet, comme on a dit tout à l'heure, hein, c'est quand même 28 000 km/h. Donc lorsque vous voulez rentrer dans l'atmosphère, ça chauffe. Et l'ATV, alors il est, pour avoir un véhicule qui puisse rentrer dans l'atmosphère, il faut le protéger de l'échauffement. D'accord. Et ça, évidemment, c'est d'autres technologies. C'est autre chose et c'est voilà. pas prévu pour voilà, ça. Pour l'instant, c'est pas prévu. D'accord. François. Pour continuer un petit peu cette question sur l'ATV, il y a l'émission ATV. En tout, il y en a 5 de prévues. Comme on l'a dit tout à l'heure, on a eu la troisième qui a été lancée il y a quelques semaines, qui est en cours d'opération maintenant. Qui s'appelle ATV 3. Voilà, et qui a un nom. Chaque ATV a son nom. À tout seigneur, tout honneur, le premier ATV lancé, donc, comme l'a rappelé Léopold en 2008, avait un nom français, le Jules Verne. Ah. Je vous laisse deviner pourquoi on l'a appelé Jules Verne. Le deuxième avait un nom allemand, en hommage à la grande contribution de l'Allemagne aux vols habités. Le troisième, un italien, il faut faire honneur à tout le monde. Le quatrième sera... Alors, j'hésite à employer le terme de Suisse, mais c'est quand même formellement un Suisse, c'est Einstein. Voilà. Donc voilà, c'est juste pour vous donner une idée. Alors, ceci étant, donc il y a 5 ATV qui sont prévus, le troisième qui est en cours, le quatrième l'année prochaine et le dernier dans 2 ans. Donc 2014, c'est la fin des ATV. Ceci étant, la station, sous toute réserve, est prévue d'aller jusqu'en 2020. Alors, je dis sous toute réserve parce qu'il y a beaucoup de discussions. Peut-être que il y aura des questions tout à l'heure. Je pense qu'on va en reparler un petit peu voilà. D'ici à la fin du bar, un petit peu justement des perspectives. On va peut-être continuer tout sur... À fait. Juste un mot, absolument, on parlera plus tard. Mais la seule chose que je voulais dire concernant cette histoire de 2020, c'est qu'avec... les 5 ATV jusqu'en 2014, l'Europe paye, comme l'a rappelé Léopold tout à l'heure, ses charges de copropriété. Finalement, l'ISS, c'est comme votre copro, quand vous avez un appartement ici en région parisienne. Enfin, j'imagine, hein, la plupart d'entre vous. Vous avez d'autres habitants dans votre copropriété. Eh bien, il faut se partager le coût de la gardienne, le coût de l'électricité, le coût du gaz, le petit jardin devant, etc. Eh bien, c'est la même chose. L'ATV remplit l'essentiel des obligations européennes des coûts de copropriété, des millièmes de copropriété. Et avec les 5 ATV, on arrive grosso modo à payer la participation européenne à la station jusqu'à la louche 2017. Et donc, il y a des grands débats, mais on verra ça tout à l'heure, sur... qu'est-ce qu'on fait après 2017, après 2020, bon, voilà, c'est un autre débat. Et une des pistes, c'est précisément de capitaliser sur tout le savoir-faire européen, et notamment français, en ce qui concerne la TV. On a une autre question ici. Oui, moi je m'intéresse depuis toujours aux questions spatiales et je suis un petit peu perplexe sur cette station parce que autant on entend parler des petits vaisseaux qui font des tours de roue sur Mars ou de d'autres applications de l'espace dans tous les domaines, depuis le GPS jusqu'à ce qu'on veut, autant la station, on a un petit peu l'impression qu'elle est dans son coin à tourner en rond, mais... du point de vue du public, j'ai pas l'impression que ce soit perçu comme quelque chose de très très efficace, très très utile, parce que finalement ça fait 15 ans qu'on est en train de la construire, ou presque 15 ans, et on dit que dans 7-8 ans elle sera déjà périmée. Donc finalement, quel est le... c'est pas de la provocation, mais d'un point de vue tout à fait spontané, disons, quelle est l'efficacité réelle de ça? C'est une très bonne question. La station internationale. Voilà, c'est une question. Une très bonne question, une question légitime, bien sûr, puisque, comme on l'a dit tout à l'heure, chacun contribue à la fabrication et à l'utilisation de la station. 1 euro par an, par habitant, moi, personnellement, vous m'avez rassuré. Ça va. D'accord. Je suis prêt à remettre 1 euro l'année prochaine, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, on n'est pas prêt pour aller sur Mars. Ça, c'est une chose sûre. Alors, on en parle, bien sûr, parce qu'on se projette dans l'avenir et il faut s'y préparer. Mais la station, elle sert aussi à se préparer pour aller... un jour plus loin. Alors, quand on dit Mars, ça peut être d'abord la Lune, ça peut être autre chose, ça peut être... une rampe de lancement. Voilà. Alors, une rampe de lancement, mais aussi un banc d'essai technologique. C'est-à-dire que la station elle va être utilisée pour pouvoir se préparer à tous les niveaux, sur la technologie, les systèmes de bord, les opérations, la physiologie humaine aussi, hein, pour des missions plus lointaines et des missions de plus longue durée. Voilà, donc ça c'est une chose. Ensuite, aujourd'hui, la station c'est un laboratoire scientifique. Donc on a en permanence au-dessus de nos têtes, si on peut dire, 7 jours sur 7, 365 jours par an, un laboratoire où on peut réaliser des expériences scientifiques. Alors, on pourra peut-être parler un peu plus de tout ça, mais il y a de la science. Il y a des scientifiques qui est dans son coin en train de faire ses expériences bizarres. Alors là, ils sont à 400 km. Les scientifiques sont au sol, sont eux qui préparent les expériences, et après, on a des techniciens, les opérateurs, si vous voulez, qui sont à bord, qui sont les astronautes. Mais un des objectifs principaux de la station, c'est aussi de réaliser des expériences scientifiques et qui pourront avoir des retombées sur la vie de tous les jours. Ensuite, si on veut aller un jour plus loin, il va falloir qu'on améliore nos techniques et en particulier qu'on améliore la fiabilité des systèmes et des équipements. Et ça, si on pense à la station aujourd'hui, elle est desservie en permanence par il faut la ravitailler en permanence, on est obligé de remplacer du matériel en permanence. Si on veut partir un jour beaucoup, beaucoup plus loin, beaucoup plus longtemps, il va falloir avoir des équipements qui soient plus fiables. Donc la station est aujourd'hui un banc d'essai qui permettra de développer ces technologies et cette fiabilité dont on a besoin pour l'avenir. Juste un complément à ce que tu dis, Léopold. Je vais donner deux exemples d'utilisation concrète de la station. Le premier, c'est dans tout ce qui est le domaine cardiovasculaire. La France a développé au fil des décennies maintenant une compétence unique en Europe et je pourrais presque dire de leadership dans le monde dans le système, comment on appelle ça en français, la surveillance du système cardiovasculaire dans la station spatiale. Donc avec le fonctionnement du cœur, le fonctionnement des vaisseaux sanguins, etc. Je vous passe les détails. Et pourquoi je mentionne ça? Pas simplement pour un petit cocorico, mais aussi pour dire que les instruments cardiovasculaires qu'on a développés pour la station, eh bien, il y a des applications très concrètes sur Terre pour certains patients dans les hôpitaux qui ont des maladies cardiovasculaires. Et on se rend compte par des recherches effectuées dans la station qu'il peut y avoir un impact au niveau du citoyen. Alors, j'ai cité le cardiovasculaire, il y a d'autres exemples aussi. J'ai un deuxième exemple, mais je crois qu'il y a un complément. Non, je voulais dire que j'ai l'impression qu'il n'y a peut-être pas assez d'agit-prop autour pour montrer, parce que je suis tout à fait d'accord qu'il doit se passer des choses intéressantes, mais alors, peut-être que les responsables des relations publiques ou de, je ne sais pas comment on appelle ça, ne font pas assez d'animation là-dessus pour qu'on se rende compte que ça peut être vraiment utile. Alors, parce qu'on a un peu l'impression que ça tourne en rond avec la navette qui était justifiée parce qu'il fallait bien desservir la station et la station qui servait à recevoir la navette. Mais à part ça... Alors vous avez... Excusez-moi. Même moi je peux répondre, on est là pour ça ce soir. Voilà, exactement. Ça c'est la première réponse. Bon, on, et puis on si on peut... nombreux, c'est vrai que... si on peut donner une deuxième réponse en plus... Je répondrai très, très brutalement oui et non à ce que vous dites. J'explique. Oui, vous avez raison. En France, on a peu de communication sur la station, les astronautes, ce qui se passe là-haut et puis la préparation de l'après-ISS. C'est beaucoup moins vrai dans d'autres pays. Si vous allez aux États-Unis, si vous allez en Allemagne, si vous allez au Japon, en Russie, vous avez très régulièrement sur des chaînes grand public, vous avez des émissions, vous avez de l'agitprop, ce que vous disiez tout à l'heure. Donc c'est un peu très variable selon les pays. Alors pourquoi en France on communique moins sur ces affaires-là qu'on le fait dans d'autres pays? Pour une raison toute simple, enfin il y en a plusieurs, mais la raison principale, c'est que historiquement, il y a eu une décision déjà depuis plusieurs décennies de ne pas faire des vols habités le top des priorités en France dans le domaine du spatial. Vous savez certainement tous que la France est reconnue internationalement pour Ariane et pour les lanceurs d'une manière générale, avec la gamme des lanceurs Ariane, avec la base de Kourou, etc. Donc ça, c'est clairement affiché depuis des lustres comme la priorité française. La France également a un grand savoir-faire reconnu internationalement dans tout ce qui est observation de la Terre, et je crois qu'il y a eu ou il va y avoir des soirées comme celle-ci sur ce genre de sujet. Voilà, et donc, comme avec les 1 euro par an et par citoyen, on ne peut pas tout se permettre, hein. Un ou plusieurs euros, on ne peut pas tout se permettre, et il a fallu faire des choix, et le choix a été fait en France de ne pas mettre les affaires de vols habités dans les domaines ultra prioritaires. Conclusion, au niveau de tout ce qui est communication, on communique moins sur ce genre d'activité. Mais c'est vrai que c'est assez paradoxal parce que Ariane, dès qu'il y a un lancement, etc., on voit ça dans les journaux ou à la télé, dans les journaux télévisés, etc. Mais on s'arrête là. C'est vrai que ça ne va pas beaucoup plus loin. À quoi ça sert? Qu'est-ce qu'il a envoyé Ariane? Et on n'explique pas tellement que ça, en fait, l'intérêt plus global de la mission. Mais j'ai envie de dire, je ne sais pas, d'une façon générale, et puis on le voit aussi quand on se retrouve là tous les mois, lors des mardis, lors des mercredis, quand on parle de science, que finalement, il faut aussi que nous, on organise ce genre d'événement. Je ne parle pas de nous, le CNES et l'association, je parle de nous d'une manière générale, en tant que citoyens, etc., ou scientifiques et chercheurs, etc., pour parler de ce genre de choses-là, parce qu'il y a une absence générale de ce qui se fait en termes de recherche dans les médias, etc. Il y a des choses qui nous intéressent plus, qui intéressent plus les médias, comme la santé. Il y a certains domaines qui sont plus mis en avant que d'autres. Après, voilà, je pense que c'est une question de politique, de ligne éditoriale, etc. Enfin, je pense qu'il y a toutes sortes de raisons qui font que ça se passe comme ça en France. On pourrait passer une soirée à réfléchir là-dessus, en discuter. On le fera peut-être une autre fois. Léopold. Très rapidement, en 20 secondes, je voudrais juste dire quelque chose. Je crois que c'est aussi vrai, je vais répondre à une question par une autre question, c'est aussi vrai pour une grande partie de la recherche sur Terre. Il y a beaucoup de domaines de recherche sur Terre où on ne communique pas, on ne sait pas ce qui se passe. Exactement. Alors ici, évidemment, on a dans le cadre de ces activités un aspect spectaculaire qui est la station, les fusées, les lanceurs, mais c'est vrai qu'on ne communique pas non plus sur beaucoup de domaines de la recherche sur Terre. J'avais une question du monsieur au fond. Il demandait, à juste titre, au revoir. 400 km, pourquoi 400 km? Vous disiez qu'il y avait des problèmes justement de freinage, qu'il faut rehausser, etc. Alors pourquoi on n'irait pas un peu plus haut pour éviter ces problèmes-là? Pourquoi cette altitude? En fait, pour une raison très simple, parce que c'est la limite, enfin pas tout à fait la limite de ce que pouvait atteindre la navette spatiale américaine chargée et également les vaisseaux russes de ravitaillement et les vaisseaux habités. En fait, voilà. C'est ce qui permettait à la navette et aux vaisseaux russes d'y accéder dans de bonnes conditions. Au-delà, ça serait plus problématique. Et maintenant, on ne pourrait pas envisager justement de que la TV la remonte un peu plus, qu'on gagne, je sais pas, une centaine, dizaine, quelques dizaines de kilomètres. Non, justement, on ne veut pas l'amener trop haut, justement, parce qu'il y a d'autres vaisseaux de ravitaillement qui vont partir et on veut qu'ils puissent atteindre. On a toujours ce même problème-là. Voilà. Et il faut faire un compromis aussi entre la charge que l'on amène et le carburant que l'on amène. Donc, c'est comme un avion, hein. Il y a des limitations. Bonsoir. Voilà, j'ai deux petites questions. Puisque la station n'est pas à une très grande altitude, qu'il y a des milliers de débris en orbite, est-ce que la station a déjà rencontré un problème de collision de ce genre? Et deuxième question, alors que l'Europe n'est pas encore parvenue à envoyer de par ses propres moyens, sans l'aide américaine ou russe, des astronautes, alors que la Chine y est arrivée pratiquement toute seule et que l'on dit actuellement qu'elle se prépare à fonder sa propre station, à construire sa propre station. J'aimerais que vous nous parliez un petit peu de cette station chinoise. On va se partager les réponses. Alors les débris, c'est un vrai problème, ça c'est sûr. Et peut-être que vous avez entendu qu'il y a peu de temps, il y a deux semaines peut-être, on a envoyé l'équipage dans son canot de sauvetage, dans le vaisseau Soyouz. Ah, on est en plein dans l'actualité. Hein. Voilà, pour le protéger. C'était la troisième fois que ça arrivait en fait. Alors, ce qu'il faut savoir, hein, bon, je pense que certains d'entre vous le savent, mais il y a la Terre à ces altitudes est entourée de débris. Alors, c'est des débris qui peuvent être des débris d'étages de fusées de lancement, qui peuvent être des débris de satellites. Par exemple, il y a quelques années, on a eu une collision entre deux satellites qui a généré des milliers de débris. Mais on est très fort pour ça. Hein. On arrive à polluer notre Terre. Ah, on arrive même à polluer c'est pas facile, en dehors de la Terre. Bon, c'est pas facile de faire une collision dans l'espace, mais on peut y arriver. Ou le hasard peut y arriver parfois. Donc, il y a un certain nombre de débris qui sont de plus ou moins grande taille et qui entourent la Terre. Voilà, comme une espèce de coquille, en fait, hein, à différentes altitudes. On peut voir d'ailleurs sur Internet rapidement, tapant débris spatiaux, etc. Absolument, on voilà. voit des cartes avec des millions de choses qui tournent. On peut visualiser ça en temps réel, en tout cas pour les débris qui sont suffisamment grands pour être visibles. Parce que au-delà, en dessous d'une certaine taille, les débris, on ne peut plus les voir. Alors, en gros, tout ce qui est en dessous de 10 cm, je dirais, de surface est visible. Tout ce qui est n'est pas visible. Tout ce qui est au-dessus de 10 cm est visible. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour revenir à la question de monsieur là, Alors, comment ça se passe? Alors, pour ceux que l'on peut voir, alors pour ceux que l'on peut pas voir, il n'y a pas grand-chose à faire parce qu'un jour, il y en a un qui peut toucher la station ou qui peut toucher un véhicule et créer des problèmes. Pour ceux que l'on peut voir, donc qui sont d'une taille un peu plus importante, il y a une organisation américaine militaire qui est le Space Command, donc qui surveille l'espace, hein, avec des radars et qui peut identifier des débris avec des risques de collision. Donc la NASA va prendre ces informations donc des militaires et va les recalculer pour évaluer un risque. Et donc on voit régulièrement des messages dans les opérations qui disent, enfin au sol, hein, qui disent voilà, risque de ce qu'on appelle conjonction, c'est-à-dire de collision ou en tout cas de passage près de la station. Et ça arrive régulièrement. Alors si l'objet est visible, on pourra faire une manœuvre d'évitement. Voilà, hein, comme dans les Landes, hein, en tauromachie, on va faire un petit saut de côté pour éviter le passage de l'objet. Quelques heures, ou je dirais peut-être 48 heures à l'avance, on va pouvoir programmer cette manœuvre d'évitement. Donc les moteurs de la station ou la TV par exemple vont permettre de changer un peu l'altitude et d'éviter la collision. Mais il y a des cas par contre où on ne pourra pas la faire parce que ça demande parfois ça demande de mobiliser pas mal de moyens qui peuvent gêner la mission. Donc il y a des fois où on va décider de ne pas faire cette manœuvre d'évitement. Et à ce moment-là, il y a un risque de collision qui est plus élevé. Et ça peut arriver, ou alors on n'a simplement pas le temps de la faire. Jusqu'ici, il n'y a pas eu d'incident majeur, en tout cas en termes de collision. Il n'y a pas eu d'incident majeur, mais par contre, il est arrivé donc trois fois qu'on a envoyé l'équipage parce que dans le vaisseau de sauvetage, parce qu'on se disait, il peut y avoir. Ils sont carrément dans le vaisseau prêts à repartir sur Terre. Ils sont prêts à partir, ils ont fermé toutes les écoutilles de la station et ils sont prêts à partir. Ouais. Voilà. Et là, justement, c'était le cas donc il y a 15 jours. Voilà. Il y a 15 jours. Et c'était quoi? C'était un débris. Alors je sais qu'il y avait un satellite. Alors on va pas faire de politique, mais il y avait un satellite chinois qui avait généré quelques débris et qui menaçait la station internationale. C'est arrivé plusieurs fois dans les derniers mois. Mais alors la question c'est, est-ce que c'était fait exprès? C'est ça? Non, parce qu'en fait la collision dont je parlais qui a eu lieu il y a quelques années, c'était entre un satellite russe et un satellite chinois, je crois. Mais il est passé à combien ce débris de la station? Alors on considère qu'il y a danger quand il y a une distance qui est de l'ordre de quelques kilomètres. Voilà, quelques kilomètres danger. Ça dépend un peu de la, je dirais de la, soit sur les côtés, soit sur le dans la. Donc là, il est passé à. Mais bon, entre 2 et 20 kilomètres, si on peut dire. D'accord. Voilà. Et après c'est difficile de prévoir parce qu'on peut pas prévoir une collision en plein dans la station parce que c'est basé sur des prédictions, des calculs par ordinateur en fait. Et voilà, donc on va répondre à la deuxième partie parce que j'étais un petit peu long. Les Chinois, on revient. Alors justement, Chinois. Pour la Chine, voilà. Donc c'était en fait, ce qu'on vous a pas dit, c'est que les Chinois ont voulu tuer l'ISS par ça. Non, non, je plaisante. Le scoop de la soirée. ne le tweetez pas. Hein, c'est... Non, sérieusement, pour continuer sur la deuxième question de monsieur, la Chine. Alors effectivement, la Chine, en 2003, a lancé ses premiers taïkonautes. Hein, ça aussi, c'est, on a oublié de le dire peut-être tout à l'heure. Voilà. On n'aurait même pas dû dire ce soir d'ailleurs astronaute, puisque formellement c'est, n'est-ce pas Léopold, spationaute en France. Spationaute. Bon, voilà, cosmonaute chez disons les Russes. Disons les choses correctement, spationaute, et voilà. Chez les Chinois, taïkonaute. Taïkonaute. Alors ne me demandez pas l'origine, je ne suis pas un spécialiste du chinois. Enfin bon, c'est peu importe. Comme ça. Donc en 2003, les Chinois ont lancé leur premier taïkonaute, et comme vous le savez certainement, depuis ils en ont lancé plusieurs. Et effectivement, comme ça a été dit, ils sont en train petit à petit de construire leur propre station spatiale qui devrait venir, on verra, hein, la Chine c'est assez secret donc on n'a pas forcément toutes les infos, mais qui devrait venir d'ici la fin de la décennie a priori. Et donc la question c'est comment va s'articuler la suite et fin de l'ISS, si je puis dire, qui est prévu, hein, comme on l'a dit avant, grosso modo autour de 2020, et puis la montée en puissance des Chinois avec leur propre station, et également les Européens, les Américains, les Russes, qui veulent évidemment faire autre chose une fois que l'ISS termine. Parce que c'est une vraie question. Ces taïkonautes, ils sont venus sur l'ISS ou alors, ils non. font vraiment leur truc de non, leur non, côté non, pour l'instant, c'est vraiment, ils font bande d'accord. à part. Alors, ceci étant, la France, alors là c'est vraiment la grande France si je puis dire, qui a l'habitude de ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier, en l'occurrence aujourd'hui le panier ISS. Depuis plusieurs années, il y a eu une volonté française de coopérer, à petite échelle, mais quand même, de coopérer avec la Chine. Et on a mis au point, votre première question initialement, c'est qu'est-ce qu'on fait au quotidien dans l'équipe Vols Habités au CNES ? Ben voilà un exemple très concret d'activité. On a mis au point, au bout de quelques mois, quelques années, on a mis au point toute une série de partenariats franco-chinois pour faire voler avec les taïkonautes dans les stations, dans les modules chinois, dans les vaisseaux chinois, des expériences françaises. Et petit à petit, il y a comme ça un petit rapprochement franco-chinois qui est embryonnaire aujourd'hui, mais voilà, qui prépare un petit peu l'avenir. On protège nos arrières. Exactement. On avait une question ici, allez-y. Bonsoir, mais en fait j'ai deux questions. Une première simple, c'est comment se déroule la vie à bord d'ISS au niveau de la semaine ? Est-ce qu'il y a le dimanche ? Au niveau des heures de travail, tout simplement. Et ensuite, est-ce que là, l'état de ISS, donc l'année dernière avec le dernier vol de la navette américaine, c'est l'état qui était prévu dès le départ ? Est-ce que l'arrêt du programme américain et l'accident de Columbia n'ont pas arrêté trop tôt finalement la construction de l'ISS ? Déjà le réveil le matin se fait assez rapidement parce que comme le réveil flotte, il faut déjà le rattraper pour qu'il s'arrête de sonner, donc on est tout de suite réveillé. En fait, on peut être réveillé par le sol aussi. Hein. Une petite musique, comme dans la navette, on était réveillé parfois le matin par une musique qui était envoyée du sol. Ah. Donc, c'est difficile de couper le réveil. Comment vous savez que c'est le matin ? Ouais. Bah, vous avez vos montres, ils ont leurs montres au temps universel. Oui, on ne se fie pas évidemment au soleil. Hein. Donc, on travaille, puisque le soleil, on le voit se lever et se coucher une fois toutes les heures et demie, pratiquement. Vaut mieux pas le regarder trop d'en face. Il vaut mieux pas trop le regarder, effectivement. Bon, ça dépend du hublot, hein, mais c'est vrai qu'il n'y a plus la protection atmosphérique. Mais pour revenir à la journée, donc on disait qu'on travaille à l'heure universelle, donc ce qui est l'heure de Greenwich, donc en gros 2 heures de moins que l'heure actuelle en France. Et bon, on va avoir une journée qui va durer, bon, peut-être, alors le lever va se faire vers 6h du matin, le début du travail ça va être vers 7h30, 8h, et puis on va travailler jusqu'à en gros 18-19h avec un repas d'une heure qui est prévue en milieu de journée. Donc on se fie à la montre, hein, et puis aussi il y a un programme alors qui est sur ordinateur, qui est l'agenda de la journée, hein, qui va en fait réguler toute l'activité des astronautes et des cosmonautes pour la journée. Et si vous vous réveillez pas, vous faites taper sur les doigts quand même. Ah, c'est dur de pas se réveiller. Ouais. Et puis il y a les autres aussi. Hein. Donc en fait il y a quatre cabines, si on peut dire, qui se trouvent à l'avant de la station. Et puis ça c'est quatre cabines dans la partie occidentale de la station. Et il y en a deux qui se trouvent à l'arrière dans la partie russe. Le week-end, on travaille pas en général, bien que il peut y avoir quand même des activités le week-end. Et par contre, le week-end, on nettoie. Alors, il va falloir faire le ménage le week-end. Au final, c'est comme pour tout le monde. En général, c'est le samedi matin, et chacun participe évidemment, parce que c'est quand même, y a quand même pas mal de choses à nettoyer. Il faut nettoyer les filtres, il faut passer l'aspirateur. Enfin, il y a quand même du travail. Et puis, après, en dehors de ces heures de travail, on va aussi avoir des activités de loisirs, hein, où chacun fait un peu ce qui lui plaît. Du sport aussi, non? Du sport. Alors, pour le travail lui-même, il y a plusieurs types d'activités. D'abord, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui l'utilisation. Alors, la station est terminée, donc on est en phase d'exploitation, d'utilisation scientifique. Donc, c'est basé essentiellement, ce qu'on appelle l'utilisation, c'est la recherche scientifique à bord. Donc, aujourd'hui, ça constitue la plus grande partie, si on peut dire, des activités quotidiennes. Ensuite, il y a des activités aussi pour faire l'entretien des systèmes de bord, parce que parfois il y a aussi besoin d'entretien, de maintenance et ou de parfois de réparation, hein, puisqu'il y a un certain nombre de systèmes complexes à bord qu'il faut parfois réparer. Et puis il y a le sport avec à peu près 1h30 à 2h par jour. Alors ça c'est indispensable pour pouvoir revenir au bout de 4 à 6 mois sur Terre dans de bonnes conditions. Et puis pour terminer sur les aspects de la vie à bord, les loisirs. Alors les loisirs, bon, la première chose la plus agréable, bien sûr, c'est de regarder par la fenêtre, hein, parce que là le spectacle il est permanent. Aujourd'hui il y a une espèce de coupole qui se trouve en dessous de la station, qui est un peu comme les baies vitrées des bombardiers de la Deuxième Guerre mondiale, là, donc où on peut voir la Terre dans des conditions assez extraordinaires. Ensuite on peut communiquer avec le sol, alors de toutes les façons possibles. Il y a Internet à bord, donc on peut tweeter. Je crois qu'il y a des gens qui tweetent avec la station, certains. Est-ce qu'il y a un astronaute là qui nous suit ce soir de l'ISS? Non, on n'en a pas. Non, ils sont pas loin d'aller se coucher là, je pense. Ils se montrent pas. Pas encore. Il est que 7h. Hein, il est que 7h à l'heure de la station. Ah oui, il travaille encore. Il doit finir de travailler, oui, je pense. Ouais. Et il y a aussi, on peut évidemment regarder des films, écouter de la musique, on peut téléphoner. Voilà, il y a un téléphone à bord, on peut appeler qui l'on veut sur la planète, même les Chinois si on veut. Condition de parler, de pouvoir parler chinois. Mais... Et si on avait pu, même ce soir, mais malheureusement on n'a pas pu, c'est peut-être quelque chose qu'on essaiera de mettre en place l'année prochaine, je sais pas. On aurait pu faire une communication avec eux, parce qu'il y a certains moments où ils passent au-dessus de nous, enfin il y a des zones de communication. Ouais. Non, il n'y a pas de zone, on peut appeler pratiquement n'importe quand, parce que toutes les communications sont via des satellites américains qui sont des satellites relais, sont où que la station se trouve sur son orbite. On peut faire une communication. Bon, c'est quelque chose qu'on n'a pas pu faire ce soir, mais voilà, on fera peut-être à l'avenir. Voilà. Et un petit cocorico quand même qu'on peut faire au niveau des divertissements dans la station. La France n'est pas simplement excellente dans le domaine spatial, excusez-moi de l'arrogance, mais la France, vous le savez évidemment, on est dans un restaurant ce soir, est également très connue pour la gastronomie. Et une des activités, pas forcément la plus importante, mais enfin quand même symbolique et je crois de source de divertissement, il existe un grand chef. Alors je ne sais pas si je dois lui faire de la pub ou pas, mais... On peut dire le nom. Hein. Voilà. Alors donc c'est Alain Ducasse, dont vous avez certainement entendu parler, qui, sous contrat avec nous, fabrique des mets gourmets pour pour les astronautes, pour les spationautes, depuis plusieurs années. Et alors, c'est pas malheureusement pour vous, ce n'est pas tous les jours que vous mangez du Alain Ducasse, mais c'est pour les grandes occasions, voilà, pour les grandes fêtes, pour les anniversaires, je crois. Donc voilà, il fallait dire aussi que côté français, la gastronomie française est également à l'honneur dans la station. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on mange tous les jours dans la station ? C'est vraiment, c'est comme sur Terre, vous avez assez de nourriture sur place, de ravitailler par StatTV notamment, pour vous diversifier, faire vos petits plats tous les jours, ou c'est juste des choses que vous réchauffez, enfin. Oui, bien entendu, il y a assez de nourriture, bien sûr. Hein, on va pas laisser les... Sinon, ils vont se mettre en grève. Hein, si on laisse moins de... Bien, on rentre plus. Non, ce que je voulais dire, c'est en termes de diversité. Mais alors, en termes de diversité, il y a principalement de la nourriture russe et américaine. Il y a de temps en temps la nourriture française, bien sûr. Et je crois que les Allemands aussi ont proposé des choses. Les Japonais aussi ont proposé des choses. D'ailleurs, au cours de ma mission, on a mangé japonais à la fin du vol avec des baguettes. Et c'était assez intéressant de faire ça dans un peu. Mais bon, ce que l'on n'a pas évidemment, ce sont les produits frais. Voilà, donc des fruits, des légumes frais, des glaces. On cultive rien sur la station. Pas encore. Il n'y a pas de petit jardin, de serre. Il va falloir apprendre à faire ça, parce que quand on voudra partir, c'est quelque chose auquel on pense. Voilà, il va falloir aussi travailler sur ces choses-là, bien entendu, parce que c'est quand même très important. Et comment vous faites pour les douches, les choses comme ça ? Enfin, ça c'est aussi. Alors, il n'y a pas de douche. On fait comme les bébés, donc on utilise des serviettes, des lingettes. Des lingettes. Et ça, c'est pour la toilette du corps. Et puis pour les cheveux, il y a un shampoing sans rinçage. Alors je crois qu'on en trouve aussi en pharmacie, enfin dans les commerces sur Terre. Hein. Un shampoing, on n'a pas besoin de rincer. On n'a pas besoin de se rincer. Voilà. D'accord. Donc le but, c'est de pas consommer trop d'eau. Voilà. Donc, et c'est quoi la chose la plus contraignante que vous avez trouvée sur la station en termes de vie quotidienne ? La plus contraignante. La plus contraignante, c'est parfois d'associer le sport et le travail, parce que les séances d'exercice arrivent en milieu de journée, donc on va se changer, on va transpirer, et puis après c'est pas facile de sécher lorsqu'on est à bord, donc on perd beaucoup de temps en fait. Pourquoi c'est pas facile de sécher ? C'est pas comme une douche en 5 minutes en fait. Mais pourquoi c'est pas facile de sécher ? Bon, d'abord parce que il y a pas une ventilation, enfin là il y a une ventilation permanente, mais si vous voulez, ça permet pas de sécher rapidement. La température est de l'ordre de 21 à 22 degrés en moyenne, donc quand on a fait une bonne séance de sport, on met du temps et on a beau se sécher avec des serviettes, après bon, on continue à transpirer pendant un bon moment. Donc ça, c'est pas forcément très agréable, surtout que parfois immédiatement après notre séance de sport, on va faire un travail un peu délicat, donc qui demande la concentration, qui demande d'être je dirais rafraîchi, si on peut dire. On avait la deuxième question. C'était sur la construction finale des ISS par rapport à l'accident de Columbia et l'arrêt du plan. Oui, donc comme on l'a dit tout à l'heure, l'accident de Columbia 1er février 2003, on l'a mentionné rapidement avant, qui a arrêté pendant 2 ans et demi la construction de la station, ce qui a généré du retard et des coûts, bien sûr. Et ça n'a pas généré que ça. Ça a généré aussi une prise en... On a réalisé qu'on avait peut-être été sur certains aspects imprudents, sur certains niveaux de qualité, sur certains niveaux de redondance de certains systèmes. Et donc, on a au-delà de l'accident de Columbia, on a vraiment essayé d'aller beaucoup plus loin dans la fiabilité des systèmes, des modules, etc., ce qui a rajouté encore de la durée, des coûts, etc. Et donc, si on envisage quelque chose pour l'après-ISS, on va capitaliser sur cet acquis des leçons apprises de l'accident de Columbia. On a les deux questions là-bas, messieurs. Bonsoir. Dans la logique de ce qu'a dit Léopold Erhardt, sur les coûts, j'aurais une question à lui poser, mais je voudrais juste faire un petit topo avant, pas un petit topo, mais un petit propos. Les Européens consomment, dépensent 16 euros par habitant par an pour toutes les activités spatiales et pas uniquement l'ISS et compagnie. Deuxièmement, la France 32 euros. Et le budget Apollo, qui coûtait une fortune au dire de tout le monde et ce que l'entend partout, c'était 1 dollar par américain par an sur 10 ans. Alors ma question à Léopold Erhardt, est-ce que vous pensez que l'Europe, et éventuellement même plus que l'Europe, c'est-à-dire l'ensemble des Nations Unies, ou des monnaies contre la station spatiale, sont capables de dépenser $1 par habitant et par an pour aller sur Mars. Question difficile. Hein. Ouais, je crois que ça dépend un peu des pays, mais aujourd'hui, je pense que le problème, c'est d'abord de savoir qu'est-ce qu'il faut faire avant de penser à dépenser pour aller sur Mars, c'est-à-dire se donner les moyens de pouvoir un jour réaliser ce genre de choses. Donc, je crois que c'est dans les vols spatiaux habités comme dans l'aviation, je crois qu'il faut savoir progresser en douceur. Voilà. Donc, chaque pas est important et chaque pas permet de faire les progrès qui vont permettre de passer au suivant. Aujourd'hui, pour moi, hein, en tout cas, dire allez, on va sur Mars dans 10 ou 15 ans, c'est de l'utopie parce qu'on n'a ni les moyens financiers ni les moyens techniques de le faire. Et puis, il y a une autre chose, je me permets juste d'intervenir parce que ça m'avait vraiment marqué. C'était Jean-Pierre Bibring qui le disait quand on a parlé de l'exploration future de Mars lors d'un dernier rendez-vous, il disait que vraiment le plus gros problème en fait qui se pose pour l'exploration de Mars, c'est un problème humain, c'est un problème psychologique, c'est qu'on n'arrive pas à vivre ensemble pendant un an ou deux, à ce qu'une équipe vive ensemble, à ce qu'elles s'entendent bien, etc. C'est vraiment un problème majeur qui n'est pas d'ordre financier ou technologique. Alors effectivement, on parlait des leçons apprises de Columbia tout à l'heure. Il y a plus globalement des leçons apprises de décennies maintenant d'envoi d'astronautes, de spationautes. Grosso modo, corrige-moi Léo, il y a un peu plus de 500 astronautes qui ont volé en totalité dans le monde. Donc on a des leçons apprises quand les astronautes reviennent sur Terre, on parle avec eux, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et effectivement, ce que vous dites, on s'est rendu compte au fil des ans, au fil des missions, que les aspects psychologiques sont finalement majeurs. Et là aussi, on s'est pas arrêté à ce constat, on a essayé de travailler là-dessus. Et depuis plusieurs années, on a développé, alors en revenant en Europe et en France, on a développé plusieurs activités. Une des activités, vous en avez peut-être entendu parler, qui s'appelle Mars 500. Mars 500, vous avez eu 6 personnes enfermées pendant 520 jours dans un module dans la banlieue de Moscou. Parmi les 6 personnes, il y avait un Français, Romain Charles. Et pourquoi on les a enfermés pendant 520 jours ? Précisément pour voir comment ils allaient interagir pendant cette durée-là, qui est grosso modo, pas tout à fait, mais grosso modo la durée d'une mission martienne. Il y a quoi ? Il y a eu un survivant, hein, c'est ça ? Les 6 ont survécu. Ça s'est d'ailleurs globalement bien passé. Mais il y a eu des tas d'expériences psychologiques qui, justement, pour étudier ce fait-là. Premier élément. Deuxième élément que je voulais mentionner. La France, comme vous le savez probablement, a une petite portion de l'Antarctique qui s'appelle, si j'ai bonne mémoire, la Terre Adélie. Et dans cette portion de l'Antarctique, vous avez un site qui s'appelle Concordia, qui est une base scientifique à 3000 mètres d'altitude, en fait franco-italienne, pas que française. Ouais. Et nous finançons, aussi bien le CNES que l'ESA, nous finançons des activités d'isolement, des gens qui sont isolés, parce que quand vous êtes coincé au fin fond de l'Antarctique, que c'est l'hiver là-bas, l'hiver dure très longtemps, vous ne pouvez rien faire d'autre que rester à l'intérieur de votre base, puisque dès que vous sortez, il fait moins 50, donc ce n'est pas très sympathique. Donc là aussi, on fait des expériences psy. Et puis, dernier point que je voulais mentionner également au niveau psychologique, on évoquait tout à l'heure le dernier recrutement d'astronautes en 2009, dont un des futurs successeurs de Léopold, Thomas Pesquet, un ancien du CNES. Et parmi les critères de sélection de ces nouveaux astronautes, on a énormément mis l'accent sur toute une batterie de tests psy. des tests qu'on faisait un peu moins auparavant pour des sélections précédentes. Ce qui ne veut pas dire que psychologiquement, Léopold ou tes confrères ont eu des soucis. Vous avez l'air tout à fait normal. Jusqu'ici, tout va bien. Mais voilà, c'est juste pour mettre un petit peu l'accent. Les missions spatiales sont de plus en plus complexes. Un beau jour, on l'a dit plusieurs fois ce soir, un beau jour, il n'y aura plus l'ISS, il y aura autre chose. Il y aura peut-être des Français ou des Européens dans la station chinoise. Il y aura peut-être des véhicules ou des vaisseaux sur la Lune, sur Mars, que sais-je. Les missions vont être de plus en plus complexes. On ne peut pas se permettre que les gens commencent au bout de 3 mois à se taper dessus. Et je caricature un peu, mais c'est un peu ça. Ou qu'ils disent jonte, et puis au lieu d'appuyer sur le bouton vert, ils appuient sur le bouton rouge. Donc, c'est cette prise en compte du retour de l'expérience des astronautes qui nous a forcés à renforcer la partie psychologique. Allez-y. Ok, bonsoir. Monsieur Hubert de l'Aéroclub de France. J'aimerais d'abord féliciter tout le monde parce que, comme toujours, c'est très riche d'enseignements, ces soirées. C'est toujours très dense. Et j'aimerais évoquer, en revenant un tout petit peu en arrière, plusieurs aspects, les aspects financiers, industriels et techniques. Sur la construction de l'ISS, finalement, je pense que nous tous, et y compris les États-Unis en premier, ont bénéficié de l'avance aussi qu'avait quand même de l'acquis technologique industriel qu'avaient les soviétiques. Ça, c'est un point, je pense, qui n'a même pas été suffisamment évoqué, pas par vous, hein, mais sur le déficit de communication de chez nous, de l'Agence spatiale européenne et du CNES. Ensuite, sur l'ATV, il y a aussi un autre aspect qui a été à peine évoqué, mais qui est un grand gap technologique, vraiment une très grande percée technologique, c'est les rendez-vous avec justement l'infrarouge. Ça n'avait jamais été réalisé par quiconque, même si les soviétiques avaient une longueur d'avance aussi sur les rendez-vous automatiques. Ça, c'est quand même une grande première, un grand cocorico qu'il faut faire à notre égard, et c'est pas suffisamment souligné. Là, je veux pas embêter les personnes du CNES que je connais bien, que j'aime beaucoup, mais malgré tout, globalement et au niveau de nos politiques, c'est pareil. Il n'y a qu'un tout petit candidat qui parle de l'espace, peu importe, je ne fais pas de la politique politicienne, tout le monde se paye de ça. Vous avez dit qu'on y viendrait. Je ne suis pas là pour faire ça. Effectivement, c'est un artefact, comme on pourrait dire. Là. Mais ce déficit, si vous voulez, il faudrait vraiment qu'il soit compensé pour les années à venir, auprès de la jeunesse. Vous avez parfaitement raison de dire que le sujet des vols habités est un sujet éminemment politique. Et on n'est certainement pas là ce soir, même si la période s'y prêterait à faire de la politique politicienne. Mais quand j'emploie le mot politique, c'est au sens large ou noble du terme, c'est-à-dire vraiment les décisions régaliennes, les décisions stratégiques d'un pays ou d'une communauté de pays comme l'Europe. Tout à fait. Alors, l'histoire montre que la volonté d'investir, de se lancer dans telle ou telle activité spatiale, et particulièrement les vols habités, dépend très souvent de quelques personnes au sommet de l'État. C'est bien ça le problème. Léopold, tout à l'heure, évoquait Ronald Reagan, qui a été l'initiateur de l'ISS. Vous avez Charles de Gaulle, qui a été l'initiateur de la filière lanceur en France, et absolument, entre autres choses. Etc. Et puis, donc ça, c'est au niveau des chefs d'État. Et puis, vous avez aussi au niveau de il y a eu certains ministres emblématiques. J'en citerai pas, mais certainement vous avez des noms en tête dans tel ou tel pays qui ont poussé dans une direction ou dans une autre. Donc, tout ça pour arriver alors, je sais pas si c'est la conclusion, c'est certainement ma conclusion. C'est que les vols habités sont, à mes yeux, une activité, en anglais on dit top-down, c'est-à-dire il y a des grandes décisions prises au top niveau, un chef d'État, un chef de gouvernement, des ministres, etc. Et puis ensuite ça descend en pluie fine et des gens comme nous, on essaye de faire avancer les choses. Bien sûr, pour que ces chefs d'État puissent prendre des décisions, il faut leur préparer des dossiers. C'est notre boulot de tous les jours. On revient à la question du début, qu'est-ce qu'on fait tous les jours? Donc, voilà, on prépare des dossiers, on leur dit par exemple, eh bien, l'ISS va se terminer un beau jour dans quelques années. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? On leur prépare des scénarios, on leur dit, bah, vous pouvez faire ça, ça vous coûtera tant, vous pouvez vous marier avec les Chinois, vous pouvez construire un vaisseau qui va succéder à la TV et qui va aller sur la Lune. On leur prépare des options, on leur prépare des scénarios, on les prépare financièrement, techniquement, etc. On fait notre boulot, quoi. Mais in fine, c'est une décision éminemment politique. Et le CNES, et je crois que l'ESA, c'est pareil, n'est finalement qu'au service des politiques. Ma grande crainte, si vous voulez, vous l'avez peut-être comprise d'une façon sous-entendue, c'est que là, on a été longtemps des leaders, nous aussi, malgré tout, en Europe et en France, et que petit à petit, je craindrais qu'on se fasse rattraper, grignoter, et qu'on se fasse doubler. Donc là, les Chinois sont véritablement en phase de pouvoir nous doubler. Alors, bon, là aussi, c'est certainement pas à moi de commenter sur les grands choix politiques de la nation, mais une remarque quand même. Qu'est-ce qui a été le moteur au fil des décennies du spatial et en particulier des vols habités? Ça a été les grands conflits. Rappelez-vous tous, la guerre froide, c'est quand même ce qui a fait la course à la Lune. Maintenant, la rivalité sino-américaine, c'est un peu ce qui pousse, pas seulement, mais en particulier, c'est ce qui pousse les Chinois à se lancer vers le vol habité. Donc, on voit bien que c'est des considérations politiques très au-delà du spatial qui font avancer la boutique, finalement, du spatial, et en particulier des vols habités. Essayons de revenir peut-être sur le sujet du soir, qui est la Station Spatiale Internationale et ce laboratoire de l'espace. Allez-y. Une question très rapide, je ne crois pas l'avoir entendu durant la conférence. Qu'est-ce qu'il en est, par exemple, du module de la première compagnie spatiale privée qui part d'ici quelques semaines et qui va s'arrimer à ISS? Et la deuxième question, très rapide aussi, j'entends beaucoup parler effectivement du problème politique concernant le financement. Et comme disait le monsieur, il y a probablement un problème d'éducation à essayer de sensibiliser aussi bien les jeunes qu'aussi les adultes. Et on pourrait imaginer, comme ce qu'on voit actuellement émerger sur Internet avec tous les systèmes de réseaux sociaux et autres, un programme de Kickstarter, par exemple, où la personne nous expliquait que 1 euro par personne, par an, permettait de financer ISS. Qu'est-ce qui se passe quand vous avez 1, 2, 3, 4 milliards de personnes qui peuvent mettre 1 euro de sa poche pour ce genre de programme via des compagnies privées? La première partie de la question, c'était... Oui, les SpaceX. SpaceX et Orbital. Donc, alors, ça, c'est un programme qui a été lancé vers 2008 aussi, donc il y a 4 ans, par les Américains pour compenser la disparition de la navette. C'est-à-dire que, comme on l'a dit tout à l'heure, la navette était censée aussi, en même temps que la construction de la station, faire des vols logistiques, donc du ravitaillement vers la station. La navette étant arrêtée, ça c'était prévu depuis quelques années, en 2010-2011, à la fin de la construction de la station, les Américains avaient besoin d'autres véhicules pour faire du ravitaillement et pour ramener des charges. Donc, il a été décidé, donc il y a 4 ans, de confier cette responsabilité à des compagnies privées, donc sur une base commerciale. Donc ces vaisseaux doivent voler cette année. On a parlé un petit peu tout à l'heure des rendez-vous et de l'arrimage. Alors ces deux vaisseaux, alors côté vont être arrimés. Alors on dit, on va essayer de traduire, mais il y a en anglais il y a docking qui veut dire arrimage et il y a berthing qui veut dire, j'ai pas trouvé l'équivalent en français, mais je sais pas comment on pourrait dire ça, on les met comme dans un berceau, alors le berthing ça veut dire quoi? Ça veut dire que les vaisseaux s'approchent à quelques mètres de la station, là le bras robotique les attrape et les pose à leur endroit d'accrochage sur la station. Donc ces vaisseaux vont être accrochés à la station de cette façon-là. Alors ils sont évidemment importants pour le ravitaillement de la station, on l'a dit, mais ils vont aussi permettre d'avoir une fonction supplémentaire qui est de ramener des charges sur Terre, parce que ce qu'on perd aujourd'hui avec la navette, c'est aussi la capacité de ramener des charges, des volumes d'équipement ou d'expérience ou d'équipements scientifiques sur Terre, puisqu'aujourd'hui le seul vaisseau qui est capable de ramener quelque chose, c'est le vaisseau russe Soyouz, mais bon, vous savez peut-être que c'est quand même un tout petit vaisseau. vaisseau, donc on ne peut pas mettre grand chose à l'intérieur, à part les trois membres d'équipage. Donc ça va être important de pouvoir récupérer cette capacité de retour de matériel sur Terre. Sur la deuxième question, c'était est-ce que si avec 1 euro par habitant, c'est ça, si on mettait un petit peu plus ou si on prenait plus d'habitants, on aurait plus d'argent, et qu'est-ce qu'on pourrait faire avec tout cet argent? Si je résume, allez-y. Ce qui est sûr. Ça va plus loin en fait. C'est pas juste une question de financement et d'avoir l'argent, où on peut imaginer effectivement avoir un programme politique ou une personne qui va essayer de relancer ce genre de recherche. Ça va plus loin dans le sens où on se retrouve avec simplement des mécanismes qui apparaissent et qui apparaîtront de plus en plus, et où justement le blocage politique, qu'il soit pour des raisons industrielles, stratégiques ou autres, on peut l'imaginer pour être justement dépassé par ce secteur privé qui continuera de grandir de plus en plus rapidement maintenant. Et donc on peut imaginer, pourquoi pas, de la même manière que des gens financent des start-up ou financent des programmes, on peut très bien imaginer une compagnie spatiale privée faire rentrer les personnes je sais pas, au coût de 1 euro, on peut imaginer, ou je pensais à Neil deGrasse Tyson qui parlait de quelques centimes d'augmentation qui permettrait d'envoyer des missions sur Mars. Alors il y a les aspects commerciaux. Le commerce, personnellement je suis un peu sceptique là-dessus. Pourquoi ? Parce que quand on parle de commerce, il faut savoir où est le marché. Et le marché, on ne peut pas dire qu'il y en a beaucoup, hein, des ouvertures sur le marché. Donc aujourd'hui, le client principal, c'est la NASA, c'est les autres agences, les agences européennes, japonaises ou autres. Donc c'est relativement limité. Alors quel est l'intérêt commercial aujourd'hui ? Alors moi, je ne veux pas parier sur l'avenir, hein, c'est toujours très difficile, mais quel est le retour commercial qu'on peut avoir sur ce genre d'activité, à part celui des organisations, des institutions qui aujourd'hui font déjà du vol habité. Donc pour moi, je suis un peu sceptique sur les aspects commerciaux. La NASA a décidé d'aller dans ce sens. En fait, c'est l'administration Bush au début et Obama ensuite qui ils ont décidé donc de confier tout ce qui est ravitaillement de la station, y compris à un moment donné les équipages, c'est-à-dire que les équipages dans l'avenir seront aussi envoyés par ces vaisseaux commerciaux, alors que la NASA se réserve les moyens d'exploration, c'est-à-dire ce qui permettront d'aller plus loin. Donc c'était une façon de répartir les rôles. Maintenant, est-ce que ça sera plus efficace, est-ce que l'argent sera mieux utilisé? Ça, c'est difficile à dire. Je crois que ça va être une bonne expérience, en fait. On avait une petite question là-bas. Moi, j'aimerais savoir ce que vous pensez au niveau de l'équipage qui a un vol habité pour Mars. Si jamais il y a un problème de santé, comment vous faites pour l'équipage? Je reviens à nouveau à la question numéro 1 qui a été posée en début de soirée. Qu'est-ce qu'on fait au quotidien? Et ben, je vais vous dire ce que j'ai fait aujourd'hui. Un des dossiers sur lesquels j'ai travaillé aujourd'hui, qui va, je pense, répondre au moins partiellement à votre question. On est en train de réfléchir en France à un système d'échographie à distance. C'est-à-dire que les astronautes, les spationautes qui sont dans la station, c'est des hommes et des femmes comme chacun d'entre nous, ils peuvent avoir des problèmes médicaux. Et c'est en particulier, il y a des problèmes médicaux qu'on peut regarder par une échographie. On ne va pas évidemment envoyer un médecin échographe si jamais l'un ou l'autre a un petit bobo. Donc on est en train de réfléchir à un système d'échographie à distance qui sera valable bien sûr pour l'ISS, mais qui sera surtout valable pour les missions habitées de longue durée vers la Lune, vers Mars, etc. Donc voilà, c'est un exemple de ce qu'on fait au quotidien. Voilà ce qu'on fait au CNES. D'autres agences réfléchissent à d'autres systèmes, mais c'est clairement quelque chose qu'on a en tête, c'est-à-dire tout le suivi médical des astronautes pour des périodes de longue durée. On a une question de Twitter. Bonsoir, donc vous êtes suivi sur Twitter par de nombreux tweetos et nous avons une question qui concerne les stations en orbite autour de Lune et de Mars. à Caen. Est-ce que ça va être possible ou pas ? Ça, c'est typiquement le genre de choses sur lesquelles on réfléchit dans le cadre de ce groupe international des 14 agences. Pour l'instant, jusqu'en 2017-2020, on ne parle que de l'ISS, mais ensuite, voilà, de quoi sera fait le système des vols habités. Donc, effectivement, parmi les options qu'on regarde, il y a des vaisseaux éventuellement en orbite autour de la Lune ou en orbite autour de Mars. Il y a aussi, on parle aussi d'orbites plus exotiques comme ce qu'on appelle, pour ceux qui connaissent, les points de Lagrange, qui sont des points d'équilibre dans l'espace. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on parle effectivement de construire des vaisseaux vers ces destinations beaucoup plus lointaines que les fameux 400 km de la station. Et on parle bien sûr également de faire des stations habitées, pas simplement en orbite, mais sur le sol lunaire, sur le sol éventuellement d'un astéroïde, même si c'est un petit peu aléatoire, ou autour d'un astéroïde, et in fine, bien sûr, sur le sol martien. Parce qu'on a déjà, de toute façon, des satellites qui tournent autour de Mars, autour de la Lune, en termes de voyage, rester un an, on a assez de nourriture, d'oxygène, etc. pour rester un an, c'est-à-dire un an et demi ou deux ans, le temps d'un aller-retour pour revitailler. Donc à long terme envisager ce genre de choses. Une mission martienne, un aller-retour martien, donc le voyage aller, la période sur place et le voyage retour, la totalité de tout ça à la louche, c'est 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans. Bon, ça dépend un peu comment on fait sa mission. Aucun astronaute, aucun taïkonaute, parle sous le contrôle de Léopold, du monde, pas simplement européen, n'est resté aussi longtemps. Je crois que le plus longtemps, c'est un an. 14 mois. 14 mois, voilà. Donc, parmi les activités qu'on prévoit dans l'ISS, c'était la fin de la réponse à la question du monsieur qui partait tout à l'heure que je voulais donner, je la donne maintenant. Parmi les activités qu'on prévoit dans les prochaines années, il y a une activité qui s'appelle ISTAR, I-S-T-A-R, sous impulsion NASA, qui va consister à configurer le mode de fonctionnement de la station comme si c'était un véhicule vers Mars, un véhicule habité vers Mars. Donc avec tout ce que ça implique au niveau délai de communication entre le sol et la station, tout ce qui est simulation de problèmes psychologiques en espace confiné sans pouvoir en parler. C'est vraiment dans les conditions d'un voyage vers Mars. Alors, c'est pas les conditions réelles, bien entendu. En particulier la radiation, on l'a pas mentionné encore ce soir. Une des raisons, pas la seule bien sûr, mais une des raisons pourquoi on a choisi 400 km pour la station, cette altitude très basse, c'est pour éviter tous les forts rayonnements cosmiques qu'un astronaute qui irait vers Mars recevrait non-stop. Il serait bombardé sur le fonctionnement des cellules, des muscles, qui altérerait de manière majeure le fonctionnement du corps humain. Et voilà encore un sujet, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, voilà encore un sujet où on fait des expériences à bord de l'ISS, même si ce n'est pas complètement représenté. Justement, vous en parlez, moi j'aimerais bien qu'on s'arrête un petit peu là-dessus, parce qu'on ne s'est pas trop arrêté dessus encore ce soir, et on a intitulé cette soirée l'ISS un laboratoire de l'espace. En termes de recherche, qu'est-ce qu'on y fait dans quel domaine on fait de la recherche, biologie, physique, chimie, je ne sais pas, quelles sont les recherches qu'on fait sur l'ISS, et quelles sont aussi les avancées ou qu'est-ce qu'elles nous ont apporté, ces recherches-là, dans ces conditions à 400 km d'altitude, donc avec une gravité qui est plus faible, etc. Voilà, en termes de recherche fondamentale, qu'est-ce que nous apporte la station internationale? Alors, j'essaierai de faire une réponse courte, mais c'est pas facile parce allez-y, que. Allez-y. Je crois que depuis. J'aimerais bien qu'on concerne un petit peu ça, c'est important. Depuis le début de la station, je crois qu'il y a eu plus de 600 expériences différentes qui ont été réalisées. Donc, c'est quand même. Ça serait long de parler de tout, bien entendu. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on dit que c'est un laboratoire. Donc, pourquoi c'est un laboratoire? Parce qu'à l'intérieur, il y a une centaine d'installations scientifiques. Alors, quand je dis installations scientifiques, c'est-à-dire des espèces de mini-laboratoires. laboratoires qui peuvent être reconfigurés pour accueillir des expériences. Donc il y en a dans les différents modules de la station, dans le module Columbus en particulier, où on a quatre racks, enfin ce qu'on appelle racks, c'est des armoires hein, européennes, et quatre armoires scientifiques américaines. Mais dans le reste de la station, c'est la même chose, dans le module japonais, dans le module laboratoire américain, et aussi dans la partie russe de la station. On peut prendre justement l'exemple de Columbus, hein, on a, si mes sources sont bonnes, une installation, alors le Biolab. Voilà, Biolab, qui est comme un laboratoire de biologie, comme son nom l'indique. Et qu'est-ce qu'on fait alors au Biolab? Alors, par moi, par exemple, c'est dans le Biolab que j'ai fait la première expérience à bord de Columbus, qui était une expérience de croissance des plantes. D'accord. Donc, c'était une plante qui croît en colimaçon sur Terre, et on voulait voir donc si l'absence de pesanteur avait une influence sur cette croissance. Alors, dans ce Biolab, il y a. En fait, justement, ça, ce qui est intéressant, c'est qu'apparemment, elle a continué de croître en colimaçon. Alors, évidemment, c'est un petit peu surprenant, mais bon, là, il faudrait effectivement faire venir les gens, les spécialistes, hein, les biologistes, pour vous expliquer tout ça. Mais le Biolab lui-même, c'est une installation scientifique dans laquelle on a des centrifugeuses, on a des réfrigérateurs, on a une boîte à gants qui permet de travailler sur les échantillons d'expérience. Donc, c'est un véritable laboratoire. Ça rentre sur les plantes. Voilà, donc on peut travailler sur les plantes, on peut travailler dans différents domaines de la biologie. Et il y a des alter-ego, si on peut dire, dans le domaine de la physique des fluides. Voilà, on a l'équipement européen de modules de physiologie qui permet d'étudier les effets de l'impesanteur sur le corps humain et son système immunitaire. Et avec une grande participation française, ça s'appelle EPM. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot sur les expériences qu'on y mène, sur les recherches qu'on y mène en termes justement d'effets de l'impesanteur sur le corps humain et sur le système immunitaire? Alors effectivement, la France, comme l'a dit Léopold, est très en... très attaché à la France, François. On est censé être là pour ça, en partie au moins. La France est très en pointe dans tout ce qui est physiologie humaine. J'ai parlé tout à l'heure du cardiovasculaire, où on a développé toute une série d'instruments de suivi. On a également des expériences scientifiques dans le domaine de la neurologie, le fonctionnement du cerveau. On a plusieurs scientifiques de renom international qui étudient comment le cerveau fonctionne en apesanteur, et donc on comprend certains fonctionnements du cerveau. Mais alors ils font des expériences sur eux-mêmes avec tout des à électrodes, fait. C'est ça, voilà, on n'a pas de rats ou de choses comme ça dans l'espace. Il y a eu dans le passé, de temps en temps, il y a encore tel ou tel petit animal, des rats, non, c'est un peu... Mais là, c'est vraiment par rapport... Voilà, non, là, c'est vraiment les spationautes qui... Voilà. Donc, il y a la neuroscience, il y a les muscles. Alors, un des points qu'on n'a pas encore mentionné au centre CNES de Toulouse, j'ai parlé du centre de contrôle de la TV, mais on a un autre centre qui est également lié à l'ISS, qui s'appelle le CADMOS, qui est le centre d'utilisateurs, un des centres d'utilisateurs scientifiques de la station. Et dans ce CADMOS, un des grands équipements de l'ISS que nous opérons, c'est un système de suivi musculaire qui s'appelle MARES, qui va étudier l'activité musculaire des astronautes. Léopold parlait tout à l'heure du fait de faire tous les jours du sport. Voilà, et donc cet instrument MARES, cet équipement MARES, permet à la fois de faire du sport, mais également faire de la recherche sur l'évolution du système musculaire quand on est en apesanteur. L'effet d'une condition extrême sur notre système musculaire. Là, on a encore le laboratoire en sciences des fluides, justement. Alors, effectivement. Alors, je suis peut-être trop cocorico ce soir, mais c'est l'autre grande spécialité française, à part la physiologie, dans tout ce qui est la station spatiale et d'autres véhicules associés, c'est tout ce qu'on appelle, alors, les fluides en général, et en particulier les fluides supercritiques. Alors, je ne vais pas vous faire un cours de physique ce soir, mais... En quelques mots, on peut expliquer voilà, ce que c'est. Grosso modo, vous savez que l'eau... Pour prendre le schéma le plus simple, l'eau, elle peut se présenter sous trois formes. L'eau liquide, hein, voilà. L'eau gazeuse, la vapeur d'eau, les nuages, et l'eau solide, la glace, tout simplement. Et les lois de la physique permettent de montrer que dans certaines conditions extrêmes de température, de pression, etc., eh bien, il y a des comment dire, une une quatrième forme, une forme un peu inhabituelle pour l'eau et pour d'autres fluides qui apparaît. Et cette forme un peu inhabituelle, on peut très bien l'analyser lorsqu'on est en apesanteur. Donc on a développé au CNES un instrument avec les Américains qui s'appelle Déclic. Regardez sur internet, vous verrez plus d'informations sur Déclic. Mais voilà un bel instrument de physique fondamentale, de physique des fluides qui voilà. Donc dans ce laboratoire, on peut étudier la manière dont des matériaux, des fluides se comportent tout dans à fait. Ces conditions-là. Et rebelote, il y a l'aspect physique fondamentale, recherche fondamentale avec des clics, mais il y a également des applications très concrètes. Par exemple, une des applications sur lesquelles on travaille de des clics, c'est potentiellement, ça peut paraître complètement loufoque par rapport à ce qu'on vient de dire, mais la gestion des déchets humains. C'est-à-dire que ce fluide supercritique peut, sous certaines conditions, anéantir des déchets humains. Et comme on est dans le domaine, c'est ça, et les détruire. Alors, on n'en est pas là. C'est de la recherche, mais à long terme, c'est un objectif. Comme on parle des domaines d'excellence, il y a un troisième domaine d'excellence en France. Alors là, pour le coup, un vrai domaine d'excellence, puisqu'il y a un prix Nobel français qui va ressortir de cette soirée guindée, fier de français. Voilà. Donc le prix Nobel, Monsieur Cohen Tanouji, qui est dans un laboratoire ici à Paris. Qu'on a déjà invité plusieurs fois, même. Voilà, donc il en parlera certainement mieux que nous ce soir. Avec lui et son laboratoire, nous avons développé une horloge atomique qui s'appelle Pharao, P-H-A-R-A-O, Pharao, qui est en cours de développement, qui sera lancée dans la station dans quelques années par le vaisseau, alors pas par la TV, mais par le HTV, dont Léopold parlait tout à l'heure. Et là, il s'agit de, voilà, comme son nom l'indique, une horloge atomique, de calculer le temps, la mesure du temps avec une précision inégalée. Donc voilà quelques exemples de la science qu'on peut faire à bord de l'IST. J'en ai un aussi assez récent là qui est assez loufoque, les mécanismes aromatiques du whisky étudiés en apesanteur. Si c'est le whisky, je le laisse à Léopold peut-être. Sur les mécanismes chimiques de fabrication du whisky, mais c'est très sérieux. Hein. Oui, c'était vraiment pour comprendre comment les molécules qui composent le malt, il y avait deux échantillons de malt ainsi que du bois de chêne, tout droit venu d'une distillerie en Écosse. Qu'on a importé, et le but c'était de comprendre comment les molécules qui composent ces deux éléments interagissent dans un milieu, bah justement la gravité est quasi nulle, donc d'étudier des mécanismes réactionnels, oui, de voir comment on se fabrique. Alors, je connais pas cette expérience très particulière, je sais pas si c'est assez récent, hein, ça date de quelques jours, hein, je l'ai vu. Bon, mais ce que je peux dire peut-être, c'est que toute expérience qui est effectuée dans la station, elle vient pas de rien. Il y a au départ un labo, plusieurs labos, en général en coopération européenne ou internationale, des chercheurs du monde entier qui se mettent ensemble, qui font une proposition. Cette proposition est évaluée par les pairs scientifiques, avec des critères quand même assez sélectifs, et in fine, voilà, c'est décidé par les financeurs, par les États, et ça monte dans la station. Donc même si cette expérience peut faire sourire, je pense que sans la connaître, je pense qu'elle a quand même un fond scientifique très, très sérieux, très valable, sinon elle n'aurait pas pu monter. On étudie aussi la croissance, justement vous parlez de croissance de plantes, le fait de faire croître des matériaux en microgravité ou dans une gravité nulle, ça permet de faire des modèles par exemple pour la croissance des alvéoles pulmonaires au sein du corps humain, des choses comme ça. Oui, il y a plusieurs en fait installations, on parlait des installations scientifiques à bord, il y en a plusieurs, il y en a une dans le module américain, il y en a une dans le module japonais qui étudie ce genre de domaine, dans ce domaine scientifique, dans la croissance cristalline, la croissance cellulaire, et ça fait aussi partie de la recherche traditionnelle dans les vols habités. Bonsoir, je voudrais savoir aussi, je ne sais pas si vous le savez, est-ce qu'il y a des applications militaires? Est-ce que les armées des différents pays participent financièrement et ont droit à faire des expériences dans cette station ? Non, il n'y a pas d'application militaire, pas à ma connaissance en tout cas. Mais je pense avoir une bonne connaissance de ce qui se fait à bord. Les seules tentatives militaires dans le vol habité ont été faites à un moment donné sur la navette spatiale américaine, mais dans des vols autonomes de la navette. Donc ça remonte déjà à une bonne vingtaine d'années, puisque les militaires américains, le département de la défense a décidé d'arrêter après ça. Il devait y avoir d'ailleurs à une certaine époque une navette militaire qui partait de la côte ouest des États-Unis. Et les Russes, évidemment, ont eu aussi des activités militaires sans aucun doute, mais aujourd'hui, dans la station internationale, il n'y en a pas. Non. Alors, ceci dit, aujourd'hui, on est dans une phase d'utilisation et les gens qui sont intéressés par la recherche dans la station peuvent aussi acheter, je dirais, une participation. Mais pour l'instant, il n'y a pas eu d'intérêt des institutions militaires sur la recherche en microgravité. Par des sciences, chacun nourrit sa pensée. Et chacun nourrit sa pensée.